Bonsoir tout le monde et bienvenue dans les rubriques de G. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir, j'allais dire aujourd'hui, mais on est déjà le soir, pour un nouvel épisode de Histoire de fans de comics. Je ne vous présente plus le concept de cette émission, quoique maintenant que je suis parti en disant ça, je suis un petit peu obligé de le faire. Je reçois à chaque fois un invité que j'aime tout particulièrement, pour des raisons qui me sont à chaque fois très personnel, mais on pourra éventuellement en parler tout au long de cette émission. Et puis le but, c'est avec cet invité de d'évoquer son rapport aux comics, comment il a connu les comics et tout ça. Et s'il est comme ce soir un blogueur, quelqu'un qui nous fait des articles et ce genre de choses, d'avoir un petit peu son rapport à cette activité. Voilà, et on va partager tout ça tous ensemble. Et ce soir, c'est avec un immense plaisir et beaucoup d'émotion que je reçois Bruce du blog Bruce Lee. Comment ça va? Salut G, ça va très bien. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Mais... Ah, je pense. Et on peut le dire qu'on a déjà commencé. Vous avez déjà loupé des trucs, en fait. On a commencé l'émission tous les deux il y a déjà 20 minutes. Et il m'a dit de très très belles choses sur les collections et ce jeu. Et vous l'avez loupé. Voilà, ça, ce sera notre petit jardin secret. Un petit bonjour aux gens qui sont dans le chat, Schizophile, le débrief des comics, Doupe de Buzz, si je dis bien ton pseudo. Hello. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de la soirée que vous avez envie de poser à Bruce, ça peut être très sympa. Mais est-ce qu'on commencerait pas un petit peu par te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais sur ton blog, etc., etc. Généralement, c'est le moment où moi je ferme ma gueule pendant 20 minutes. Je dis déjà bonjour à tout le monde, spécialement à Doup, qui est la dernière recrue de Bruce Lee. Donc, Bruce Lee est un blog qui existe depuis 10 ans et qui a la spécificité d'avoir commencé seul par moi-même. Et comme Tintin, je me suis constitué une famille de contributeurs depuis 10 ans. Alors, qui fait Milou? C'est ça qu'on veut tous savoir maintenant. Milou, je ne sais pas, ça dépend des fois. Moi, il m'appelle toujours Jonah Jameson, mais en fait, Milou, je pense que c'est plutôt moi, parce que je suis à la fois le rédacteur en chef, mais aussi le maquettiste. Donc, finalement, même si tout est bénévole dans l'équipe, il m'envoie mes articles, je le mets en forme. Donc, quelque part, je ne sais plus qui bosse pour qui, tu vois. Donc, dans la vraie vie, moi, je suis travailleur social. J'ai une licence de lettres qui explique ma passion pour la littérature plutôt classique. Et puis, lorsque j'ai changé d'orientation à l'époque universitaire, j'ai décidé de devenir assistant social. Et ce choix s'explique grandement par mes lectures de l'époque, notamment les X-Men, que je considérais un peu comme les assistants sociaux de Marvel, c'est-à-dire, ou des éducateurs, c'est-à-dire des... Avant de devenir une secte de fachos qui organise des galas pour aller sur Mars... Ah, t'auras tenu moins de 4 minutes. je parle pour nos vieux lecteurs. Une semaine, c'était une BD plutôt humaniste de gens qui vantaient le fait de tendre la main plutôt que de fermer le poing. Voilà, c'est un peu ma vocation lorsque je suis rentré dans le métier d'assistant social, c'était de participer à cela, d'aider des personnes en difficulté, d'aider des marginaux, que ce soit des femmes battues, des femmes qui ont connu la prostitution, des enfants maltraités, et puis ce qu'on appelle les pauvres, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas de ressources, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas grand-chose. Et c'est vrai que les X-Men m'ont montré un peu cette voie. Je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais j'aimais bien ce côté X-Men classique, école Xavier. On a affaire à des personnes qui ne sont pas intégrées dans la société et on leur montre comment canaliser... leur rage, leur chagrin, leurs émotions, leur douleur, pour les pour les faire revenir, pour constituer quelque chose de, d'harmonieux. Voilà, donc, Et les X-Men, c'est les premiers comics que tu as lus ? Les premiers comics ? Santé. Je pense que j'ai dû commencer à... J'ai dû commencer les Special Strange... Non, les Spidey. Les Spidey ? Ouais, moi, je disais Spidey, moi. Désolé. C'était... en fait, ma mère me laissait chez une nurse... tous les mercredis, et je m'embêtais terriblement. Mais elle avait une fantastique collection de Spidey et de Pif. Donc, je passais mes mercredis après-midi à lire du Pif, notamment du Raon. La mort de Raon, ça a été un traumatisme mémorable. Vraiment, j'en ai pleuré, quoi. Et les Spidey, donc voilà, je lisais les X-Men, j'aimais beaucoup les X-Men, moins les autres histoires que je trouvais déjà un peu infantiles, mais c'est normal, c'était Spidey. Et puis après, ben, j'ai commencé à lire du Strange, et du Special Strange, et ce qui était intéressant, c'était de... un peu comme les gosses qui ont grandi avec Dragon Ball et qui sont passés à Dragon Ball Z, c'était de grandir à l'époque en même temps que les X-Men. C'est-à-dire que je lisais d'un côté les vieux Spidey avec Magneto, qui était un méchant, méchant, pas gentil. Et puis un été, ça doit être l'été 82, il faudrait vérifier sur les spéciales étranges de l'époque, je suis tombé sur la saga du Phénix Noir dessinée par John Byrne. Et j'avais l'impression que mes héros avaient pris 20 ans de plus. Et de la même manière que, si tu te rappelles, dans le Club Dorothée, tu passais de Dragon Ball le matin à Dragon Ball Z l'après-midi. Mmh. Voilà, donc je me rappelle de cette entrée de Scott Summers et de Jean Grey au Club des Damnés, où ils écoutent de la musique disco. Et j'avais l'impression de rentrer avec eux dans le monde adulte, c'est-à-dire que je devais avoir 12-13 ans, mais je rentrais en discothèque avec eux. J'ai été captivé, quoi. Ça a été, je pense, ouais, une des grandes lectures de ma vie. Je sentais qu'il se passait quelque chose. Et à l'époque, les X-Men, c'était tous les 3 mois. C'était tous les 3 mois. Donc, lorsque Scott Summers s'écroule, transpercé par une épée, par Mastermind, tout le monde se demande est-ce qu'il est mort. Il fallait attendre 3 mois pour avoir la suite. Donc, c'était en été et en décembre. En décembre, on avait la suite. Et je pense que ça m'a... Merde. Vas-y, bois un coup. Parce qu'il nous reste encore 3 heures à tenir. Donc c'est pas le moment qu'on te perde. Je pense que ça m'a appris la notion de patience en tant que lecteur. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on n'avait pas d'autre choix que de lire et de relire les mêmes histoires. Et oui. Et voilà, donc ça m'a appris, les X-Men et toutes les lectures de cette époque, je peux réciter des répliques comme d'autres réciteraient du Shakespeare. Donc voilà, c'était la saga du Phénix Noir, la mort du Phénix. Quand on allait en kiosque et qu'on voyait Jean Grey morte dans les bras de Scott Summers, c'était la promesse d'un gigantesque événement dramatique. Et c'est ce qui m'a... et c'est en fait ce que je continue de rechercher dans les comics ou dans mes lectures. C'est le drama, c'est la tristesse, c'est un rapport à la vie. Moi, je pense que les comics m'ont fait grandir. Et presque à 50 ans, j'aimerais qu'ils ne me fassent pas vieillir. Je continue à que ça à maintienne apprendre. Quelque chose. Voilà, que je continue à apprendre de la vie, de la mort et de tout le bordel qu'il y a autour. Quoi. Donc voilà... J'ai adoré les X-Men de Claremont. J'ai adoré la suite Lorsque Cyclope quitte l'équipe, on le voit partir avec son baluchon. On le voit revenir quelques années plus tard sur une île avec Magneto, habillé en maillot de bain, avec des coquillages. C'était des aventures qui se vivaient, vraiment. Il y avait quelque chose qui s'incarnait dans le lecteur. Et après, ma grosse claque, bah alors donc il y avait tout ce qui était Strange et les X-Men, et puis après ma grosse claque, ça a été ça. Ouh, attends, bouge pas. Bouge pas. Je voulais juste te demander un truc avant qu'on, ouais, qu'on parle de ça, parce que ça, j'aurais plein de questions à te poser sur Frank Miller. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais, tu vois, du fait de devoir attendre d'un mois à l'autre, en fait, pour avoir les aventures de nos personnages. En l'occurrence, la X-Men, c'était 3 mois, mais c'est vrai que moi, plus traditionnellement, ouais, c'était 1 mois. Grosso modo, tous les mois, j'allais embêter mon vendeur de cigarettes, mais le mec dans son kiosque pour savoir s'il l'avait pas reçu. J'essayais de lui arracher des informations pour savoir à quelle date, en règle générale, il les recevait. Enfin, c'était le mec qui, franchement, il devait me prendre pour un cinglé. Ce qu'on était peut-être un peu à l'époque, mais est-ce que le fait de devoir attendre et le fait de subir, entre guillemets, volontairement ces cliffhangers, est-ce que ça participait à ton amour, en fait, de ces histoires? Bah oui, parce que entre ces cliffhangers, il y avait de la vie imaginaire qui se déclenchait. Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu ça, là, maintenant, avec la manière, on va dire, de publier des comics en France depuis déjà pas mal d'années, avec la mort du kiosque, le fait d'avoir que des recueils? Question de merde, hein. Non, mais je pense que c'est plus le rapport à l'enfance et à le rapport à l'enfance. C'est le rapport à l'enfance pour moi. C'est-à-dire que quand t'es gamin, t'as pas de source alternative, c'est-à-dire que tu n'as d'autre choix que d'attendre. Oui. T'as pas beaucoup d'argent, donc tu attends ton argent de poche, tu attends la publication. Moi, ma fille, voilà, elle a 11 ans, j'ai bloqué la plupart de ses applications sur le téléphone. Voilà, dans quelques années, elle aura plus cette frustration, tu vois. Et je pense que c'est un peu le même rapport qu'à la musique. C'est-à-dire que quand t'es gamin, tu voles le disque de tes parents, tu l'écoutes jusqu'à ce que ça se raye. Et puis quand t'as mon âge, t'achètes par groupe de 10, machin, des compilations, des trucs qui coûtent une fortune. Et tu n'écoutes plus la musique comme tu l'écoutais avant. Ouais, tout à fait. Voilà. Et voilà, je pense que c'est encore un rapport au temps. C'est ouais, tu vois, moi j'ai fait une licence de lettres et j'aimais beaucoup Balzac et j'aimais beaucoup la peau de chagrin et j'ai toujours vu mon existence un peu comme ça, c'est-à-dire que nous naissons tous avec une espèce de quotient d'énergie. Chez Dragon Ball, chez Zodiac, on dirait que c'est du ki ou du cosmos. Ou dans Spawn, tu es à la réserve d'énergie et en fonction de ce que tu fais, il te reste une réserve d'énergie. Et je pense que quand tu es jeune, tu brûles tout, quoi. Et quand on arrive à mon âge, je suis peut-être moins conciliant, moins tolérant, parce que j'ai envie de vivre, enfin vivre et lire, pour moi, c'est pareil. Donc j'ai envie d'en profiter au maximum, ce qui fait que je ne supporte pas la médiocrité ou des lectures qui ne m'intéressent pas. Je ne vais pas m'accrocher, quoi. Je vais passer tout de suite à quelque chose qui me parle, et que ce soit dans la musique, au cinéma ou dans les comics, j'ai besoin qu'on me foute par terre. J'ai besoin qu'on me casse la gueule. J'ai besoin d'être KO debout. Les trucs rutilants et plan-plan qui se cherchent, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, j'ai plus de patience pour ça. T'as pas des personnages que tu suis quoi qu'il arrive? Non, je les ai tous abandonnés. Putain, ça c'est difficile. Hein. Enfin, en même temps, je te dis ça, il y en a qu'un seul que je suis quoi qu'il arrive. Mais c'est déjà bien suffisant. Hein. C'est qui? Moi, c'est... c'est le monsieur qui est derrière moi, le grand monsieur vert. Lui, quoi qu'il arrive, je pense que je le suivrai toujours. Encore que, on ne sait jamais, parce que ça se trouve, dans 10 ans, ce sera devenu tout autre chose, et mes attentes aussi seront devenues tout autre chose, et ce sera plus en phase. Mais là, pour l'instant, je reste. J'ai toujours envie, en fait, de savoir ce qui peut arriver à ce personnage, comme malheur, comme évolution. Ouais. Non, moi, j'ai tout arrêté, en fait. J'ai un rapport toujours avec la notion de patience. Je lirai la notion d'indépendance. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de dépendre des événements éditoriaux. Ça ne m'intéresse pas. Ah oui, mais ça j'en suis. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Je fais partie des personnes qui se créent leur propre continuité. Et donc, pour moi, toutes les séries que j'aime se sont terminées. J'ai une fin pour Daredevil, j'ai une fin pour les X-Men, j'ai une fin pour le Punisher, j'ai une fin pour Wolverine. Et donc, tout ce qui sort maintenant, pour moi, c'est des spin-offs, des préquels, des séquelles. voilà, ils peuvent continuer à écrire les X-Men comme une bande de fachos. Enfin, c'est lamentable. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent se torcher le cul avec. C'est insupportable, c'est insupportable. Mais Hickman, pour moi, il ne fait qu'enfoncer le coup dans le cercueil. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu du Bendis, on a eu du Fraction, on a eu du Gillen, on a eu des gens qui se servaient de la licence pour redorer leur CV. Et toute une série d'événements plus cons les uns que les autres. Donc voilà, pour moi, les X-Men se terminent avec Jason Aaron, avec Wolverine qui a évolué, qui est devenu un directeur d'école, qui trinque une dernière fois avec Cyclope qui est devenu complètement dingue, il trinque à la santé de Jean Grey, et puis ben, Wolverine ferme son école, son pouvoir auto-guérisseur s'est terminé, et voilà, ça me va, c'est très bien. J'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de les voir sauver le monde une trentaine de fois. Parce que, en fait, les comics, c'est comme des séries. Hein, je veux dire, c'est honnêtement, voilà. Est-ce que ça m'intéresse de lire une 60e année où Peter Parker affronte Norman Osborn? Non, ouais, tu vois, je ça m'intéresse plus. Le dernier gros moment de Spider-Man, c'était supérieur avec Dan Slott, c'était rigolo, c'était sympathique. Mais pareil, tu vois, dans les années 90, je fais partie des gens qui ont adoré la saga des clones. Bah moi aussi, mais en même temps, rappelle-moi ton âge. 50 ans au mois de mars. Ah ouais. Et bah, tu vois, j'aurais dit un peu moins, mais ouais, moins 40, mais moi j'ai beaucoup beaucoup aimé la saga du clone, mais aussi parce que moi je l'ai vu sortir en kiosque, quoi, donc... Moi je l'ai vécu en kiosque, donc si tu veux, à l'époque je vivais tout ça, j'y croyais. Ouais, voilà. Et lorsque dans le Amazing Spider-Man 400, je crois. Tante May meurt dans les bras de Peter Parker. C'était la même impression que ce que j'avais lu quand j'étais gamin avec la saga du Phénix Noir. Voilà, c'était un personnage important qui mourait, et c'est le cycle de la vie, quoi. Une vieille dame meurt, elle mourait à peu près à la même époque que mon grand-père, donc forcément il y avait des phénomènes d'identification. Et ce qui était intéressant dans la saga du clone, c'était la dépression de Peter Parker, c'est-à-dire ce personnage si léger, si aérien, si plaisantin. Il perdait sa grand-mère, sa tante. Il perdait ses pouvoirs, il perdait son identité, il perdait sa femme. On a souvent oublié, mais pendant la saga du clone, Mary Jane est enceinte, il perd le bébé. Et ce pauvre Peter qui devient complètement dingue, il commet un truc inacceptable, c'est-à-dire qu'il fout un coup de poing à Mary Jane. Il fout un coup de poing avec sa force d'araignée. Il manque de la tuer. Et pour moi, c'est l'aboutissement de la saga du clone, c'est-à-dire que tout pouvait arriver. Et lorsque, des années plus tard, retour au statu quo, on apprend que la tante May n'est pas morte. C'était une actrice mourante payée par Norman Osborn pour faire de la peine à Peter Parker. Et là, j'ai dit stop. Quoi. Non, mais c'est pas possible. La saga du clone, ça a duré 5 ans. Et voilà, moi, je n'aime pas le bouton reset de Marvel. Je pense qu'on pourrait continuer à raconter des histoires absolument passionnantes, fortes, engagées. Mais en fait, finalement, ce qui est devenu insupportable pour moi avec les super-héros, c'est que c'est l'hypocrisie de tout ça. C'est-à-dire qu'on te fait croire que les super-héros sont progressistes, qui sont les échos du temps. Et bon, d'accord. Mais en fait, ils sont l'inverse de ce que toi ou moi devons être, c'est-à-dire des gens responsables. Et que lorsqu'ils vivent leurs pires aventures, leurs pires mésaventures, il y a toujours un moment où on te dit « Ah ouais, non, mais ce n'était pas sa faute, il était possédé. Ah non, mais en fait, Onslaught, c'est la faute de Magneto. Oui, Peter, bah, c'était le clone. Et si tu veux, ce que toi, tu n'accepterais pas dans la vie, c'est-à-dire des gens qui commettent les pires horreurs et qui se déchargent avec une excuse comme ça, quand c'est nos politiciens qui le font, on trouve ça insupportable. Et quand ce sont les super-héros, on continue à acheter. Pourquoi on continue à acheter? Parce que c'est finalement une politique, celle de Marvel. Voilà, moi, je suis incapable de relire Iron Man ou les 4 Fantastiques après qu'ils aient ouvert des camps de concentration pendant Civil War. Dire, c'est pas possible, quoi. On peut pas appuyer sur le bouton reset avec ça. Moi, je n'y arrive pas. Hein. Ce qui était intéressant, c'est le positionnement d'un personnage comme Spider-Man qui oscille entre le bien et le mal. Mais voilà, pour moi, Civil War, comme je te disais pendant nos répètes, ça, c'est ma fin à moi de l'univers Marvel. C'est-à-dire que voilà, il y a une grosse baston. Ce qui devrait être une simple manifestation syndicale entre super-héros. Est-ce qu'on a le droit de porter nos masques ou non? On transforme en giga-baston. Ou la vie des civils, on s'en fout. Hein. Et à partir des années 2000, ça, c'est pareil, une constante, c'est-à-dire que les super-héros s'affrontent entre eux, il n'y a même plus de super-vilains. Mais par contre, on peut détruire des buildings, on peut se faire la guerre. Dans le temps, à mon époque, les super-héros évacuaient les civils, se prenaient des balles pour éviter que le tout venant se fasse tuer. Et donc, voilà, c'est une dimension. Moi, j'aime bien le super-héros social. J'aime bien le super-héros qui risque sa vie pour faire descendre un chat d'un arbre. Le Spider-Man, pour ça, était très bien. C'est-à-dire que c'était quasiment un jeu vidéo. Il y avait la séquence où il s'attaque aux voleurs de banque, la séquence où il va chercher chez Sue, chez Jameson, et puis après, il y a le gros boss de fin de niveau. Voilà, donc, bon. Je ne me reconnais plus là-dedans, ça ne m'intéresse plus, mais c'est parce que je suis trop vieux. Hein, Bon, après, c'est... Je ne sais même pas si c'est le fait, en fait, d'être trop vieux, parce que généralement, on résume souvent ça à ce fait, en fait, c'est qu'on vieillit et nos attentes, en fait, elles évoluent. Mais le fait est que quand on a connu, c'est pas que c'était mieux avant, c'est que c'était, je pense que c'était autre chose et qu'on est ni plus ni moins que le produit de notre temps et de nos attentes. Et ce qui transparaît, en fait, de ce que tu dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est, j'ai l'impression que ce que toi tu recherches vraiment, en fait, dans les personnages super-héroïques, c'est la transmission de valeurs, de choses dans lesquelles on puisse se construire et se reconnaître, des choses qui puissent se donner envie, donner envie au lecteur de, pas de se dépasser personnellement, pas sur un point de vue, tu vois, pas grimper sur des immeubles, mais que humainement, on en retire quelque chose. Et c'est vrai que cet aspect-là, ces dernières années est peut-être nettement moins visible. C'est pas peut-être. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les super-héros, c'est des bénévoles. Tu vois, ils ne sont pas payés pour ce qu'ils font. Donc, ils risquent leur vie de manière normalement désintéressée. Spider-Man, il se prend des coups dans la gueule toutes les nuits pour expier le crime de l'oncle Ben. Daredevil, pareil. Et si tu veux, si je reprends l'exemple des X-Men, à partir du moment où ils font House of M, où ils font Utopia, et ben c'est, on va vivre entre nous. Il y a bien une tentative de les faire vivre à San Francisco, mais c'est pas très intéressant. Et en fait, tous les personnages humains disparaissent pour arriver à la conclusion chez Hickman, c'est que les humains, c'est des babouins. Donc ça, quand on l'entendait dans la bouche de Magneto dans les années 90, on pouvait se positionner, du côté des X-Men. On pouvait se positionner du côté de Magneto, on se disait, bon ben voilà, c'est un mec qui est victime de la Shoah, c'est l'archétype du gars qui a trop souffert et qui se passe du statut de victime en bourreau. Mais aujourd'hui, si tu connais bien tes X-Men des années 70-80, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui les différencie de Wolverine. C'est-à-dire, c'est Wolverine, il fallait l'arrêter en plein milieu d'un combat parce qu'il était prêt à tuer tout le monde, à sortir les griffes, parce que tu lui mettais pas ses trois sucres dans son café. Aujourd'hui, même des personnages plutôt purs comme Iceberg ont eu leur côté criminel en puissance, ont détruit toute une ville, et puis après, on marche la tête baissée, et puis les copains te tapent dans le dos en disant « shit happens ». Et bon, voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pas des trucs que j'ai envie de faire lire à mes enfants. Quoi. Ça, c'est quelque chose. Tu vois, c'est l'album où tu as deux gamins noirs qui se font courser dans un parc parce qu'ils sont noirs. C'est X-Men, Dieu crée l'homme détruit, hein, c'est ça ? Dieu crée l'homme détruit. Je le dis pour les gens qui vont nous réécouter en podcast. Pour moi, s'il fallait trouver l'essence des X-Men, elle est là. Elle est là, c'est-à-dire les X-Men n'affrontent pas des super-vilains. Là, ils affrontent un prêtre d'extrême droite qui les capture et donc qui va utiliser... C'est un Zemmour de l'époque, c'est-à-dire qu'il va manipuler les foules avec des arguments tendancieux, et il va falloir le vaincre. Salut Michel. il va falloir le vaincre, non pas avec des super-pouvoirs, mais des arguments. Et ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire, c'est que face à ce leader d'extrême droite, il y a Kitty Pryde, qui est donc une super-héros juive, qui se tient entre ce nazi et ses copains. Les X-Men ne bougent pas un doigt, ils sont prêts à se faire abattre. Et Kitty Pryde dit, si je devais choisir entre mes amis et votre Dieu, c'est mes amis que je choisirais. Tu vois, tu as bien fait de pas aller plus loin dans le run de Hickman, et notamment sur la partie Marauders. Parce qu'il y a, alors évidemment, Kitty est vraiment au centre de l'histoire, mais moi il y a vraiment un épisode qui m'a plus que chamboulé, qui m'a révulsé, et c'est à propos de Kitty où quelques temps après j'ai complètement arrêté en fait la lecture de tout cet univers X, parce que c'était je trouvais que c'était très problématique en fait dans ce que ça racontait, dans ce que ça montrait, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de valeur. On avait une Kitty Pryde qui était vraiment dans la vengeance, une Kitty Pryde qui était qui était dans la torture en fait d'un de ses ennemis, qui le torturait. Et je trouvais que c'était trop n'importe quoi. Et ça représentait plus ce que moi j'attendais, ni plus ni moins, d'une série en fait X-Men, mais plus généralement en fait d'une série super-héroïque. Pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que Michel écrit, les super-héros sont les reflets d'une époque. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Michel dit. J'ai envie de dire que moi, ce que j'aime chez les super-héros, c'est quand ils vont au-delà du reflet d'une époque. Tu vois ? C'est quand ils montrent que si le reflet d'une époque, c'est le communautarisme, le fanatisme, parce que c'est le cas pour X-Men, hein, il y a un messie, on va se battre pour un messie, il y a une prophétie, on va sacrifier des milliers de vies pour une prophétie. Les terroristes font la même chose aujourd'hui. Mais ce que j'aimais dans les X-Men, c'est que avec tous les pouvoirs qu'ils avaient, on le voit dans Dieu crée l'homme détruit, on voit... est-ce que je peux trouver ça rapidement ? Il y a une fameuse scène où... attends, je vais trouver ça, voilà. Voilà. Je ne sais pas si tu vois. On amène Charles Xavier et on le crucifie. Un petit dimanche pour Charles. Voilà. Et tous ses élèves viennent l'exécuter au fur et à mesure. Il y a un côté un peu christique, hein, c'est pour ça qu'il est crucifié. C'est-à-dire que le message dans la Bible, c'est avec tous ses pouvoirs, Jésus aurait pu descendre de sa croix et se venger. Mais il préfère se sacrifier pour une cause qui va au-delà de lui. Et c'est ce que j'aimais chez les X-Men, c'est-à-dire qu'ils avaient le pouvoir de dominer le monde, d'écraser tous ces gens qui les détestent, mais il y avait une notion d'équilibre, c'est-à-dire que les X-Men, c'est une force intermédiaire entre les mauvais mutants, comme dans le sable, et l'abus de pouvoir. Donc, Et cette question de pouvoir, elle est au centre de la série, c'est-à-dire que la saga du Phénix noir, on n'est plus dans la parabole raciale comme on veut toujours cataloguer les X-Men. Là, on est dans quand j'ai trop de pouvoir, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que mes copains vont m'arrêter, sachant qu'ils m'aiment, mais que j'ai tué des milliards d'individus parce que mon pouvoir m'a rendu dingue ? Et donc cette allégeance au fait d'être devenu super puissant me dérange, je suis profondément... Donc j'ai fait mes adieux au personnage, j'ai fait mes adieux à Charles Xavier, j'ai fait mes adieux à Cyclope, qui est le personnage que je... c'était un personnage que je vénérais, Cyclope. J'ai fait mes adieux à Iceberg, j'ai fait mes adieux à Matt Murdock... le run de Mark Waid où enfin le personnage guérit de sa dépression pour s'autoriser à être enfin heureux, ça me suffit, ça y est, c'est fini, on a terminé, c'est un cycle qui se termine. J'ai vraiment pas envie de lire ce qui se passe après chez Charles Soule. J'ai vraiment pas envie de lire du Chilsdarsky où j'ai trouvé ça. Juste pour revenir sur après on va enchaîner sur Daredevil. Mais tu vois, juste pour revenir, parce que je trouvais ça super intéressant et en même temps ça fait écho à ce que disait Michel, c'est que moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans le point de départ du run de Hickman, c'est que j'ai l'impression qu'on partait du point de départ que tout le monde connaissait, de ces X-Men que tu présentes si bien avec leurs valeurs et tout ça. Et j'avais vraiment l'impression que Hickman avait envie de les montrer en train de céder, pas à leur bas instinct, mais à un repli. À force d'avoir pris des coups dans la gueule, à force d'avoir souffert, de les voir en fait se replier, se durcir, quitte à ne plus être que l'ombre en fait d'eux-mêmes d'une manière totalement idéologique. Et c'était un point de vue que je trouvais super intéressant en fait jusqu'à un certain point, jusqu'au point aussi où tu te rends compte que au final, je trouve qu'il avait plus du tout la main sur son idée de départ et que ça portait vraiment en n'importe quoi. Mais vraiment en n'importe quoi. Est-ce que son point de vue il est si net que ça ? Est-ce que ce que nous, on pense se terminer par le communautarisme pu, Est-ce que c'est vraiment son opinion ou est-ce que c'est comme ça qu'il aime les écrire? Moi, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Lorsque je vois Scott Summers faire un barbecue avec Gabriel Summers, c'est compliqué. Mmh. Lorsque je vois Apocalypse sur la même île que les X-Men, c'est compliqué. Lorsque je vois Docteur Doom trinquer avec Captain America, bon ben voilà, je veux dire, l'actualité nous montre quand même que aujourd'hui, si on organisait un gala entre Zelensky et Poutine, ça serait compliqué, quoi, hein, et qu'on excuserait les crimes d'un dictateur parce qu'il a été malheureux quand il était petit. Moi, je trouve ça compliqué. Et donc, ce que l'on accepte chez nos super-héros, ben moi, je l'accepte pas. Voilà, j'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Et alors, je vais te dire un truc, hein, mon plan de départ hein, sur mes questions, tout ça, hein, je peux me le plier en quatre. On a tout désintégré. Tout ça a volé en éclat au bout de 2 minutes 30. Et c'est mort, hein, c'est mort. Mais c'est absolument pas grave, c'est super intéressant. Je prends juste le message de Michel qui nous dit ouais. Des années 60 aux années 90, les X-Men luttaient pour le vivre ensemble, mais depuis ouais. Le début 2000, l'Amérique a peur et a besoin d'être protégée, d'où le changement d'orientation de tout Marvel. Et je trouve que c'est pas faux. Et bah, on en a parlé en fait en off en préparant cette émission. Comme quoi, j'ai très envie en fait de faire une vidéo sur Civil War, et je trouve que ce que dit Michel est tout à fait vrai, et que ouais. Pour moi, c'est même pas pour moi, hein, c'est le point de bascule, c'est le 11 septembre, et je trouve extrêmement intéressant en fait d'analyser les répercussions de ces événements dans j'analyserai pas grand chose, c'est juste mon point de vue, mais l'impact en fait de ces événements sur les héros. Et à quel point, en fait, eh ben, les auteurs, est-ce qu'ils se sont sentis obligés de s'accaparer, de s'approprier ces questions pour écrire ensuite leur personnage, tu vois? Et pour moi, c'est une période que j'ai trouvée extrêmement intéressante et qui permettait aussi aux lecteurs que je suis de sortir des sempiternels combats contre les super vilains et ce genre de choses. C'est d'un coup l'ennemi elle était à l'intérieur et l'ennemi était même quasiment idéologique dans nos valeurs avec des personnages comme Iron Man, comme Captain America qui pourtant étaient tout le temps ensemble et ben d'un coup là ils étaient complètement séparés au niveau de leurs valeurs et de leur lecture en fait de la société. Et c'était ça en fait que je trouvais vraiment intéressant. Je ne sais absolument pas où cette longue diatribe m'emmène, j'avais envie de le dire. Je pense que c'est pour nous, ensuite avoir subi les attentats que l'on sait sur le sol français, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui a déromantisé le terrorisme. Tu vois, si... C'est-à-dire Ben parce que dans les X-Men, on a quand même Magneto qui est un terroriste qui finalement n'a pas si mauvais fond. Alors qu'il a tué quand même tout un sous-marin. C'est-à-dire c'est un terroriste. Maro est une terroriste. Elle a tué des centaines d'humains avant que les X-Men lui disent « Bon, ben allez, repens-toi. » Ces personnages, est-ce qu'aujourd'hui, on les accepterait? Voilà, j'étais peut-être plus indulgent lorsque je lisais ça de manière un peu naïve dans les années 80, 90, qu'aujourd'hui. Tu vois moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de pardonner aux terroristes. Quoi. C'est pas l'ambiance, hein. Je vous le cache pas. À titre personnel, c'est pas pour demain, hein. C'est pas prévu tout de suite. Voilà, il y a quand même tout un travail sur la rédemption. Il y a un moment dans les X-Men, il y a Wolverine. Oui, c'est dans le dernier run de Claremont et de Jim Lee. la Wolverine qui s'allume une cigarette et qui dit « Nous avons tous un passé dehors la loi. » D'accord. Mais il y a un moment où il y a hors la loi et hors la loi, quoi. Tu vois, c'est… Et autant les X-Men pour moi sont respectables lorsque et ça c'était la grande force de Claremont jusqu'à un certain point. Si tu regardes bien, ils sont toujours en légitime défense. Donc ils n'ont pas le temps d'agresser les gens. Hein, c'est à partir de la saga australienne où ils commencent à prôner quelque chose de plus agressif. Mais donc voilà, moi j'ai pas envie de. Il y a des choses que j'ai plus envie de cautionner. Ou encore, si tu veux, tu vois, moi, j'adore le Punisher. C'est un libre cours à la violence et à la vengeance. Mais le personnage, de temps en temps, il y a une petite fenêtre d'humanité qui s'ouvre. Et tout à coup, tu te dis, merde, Frank Castle, c'était un mec bien. Et voilà ce que c'est maintenant. Et le fait de pouvoir rentrer dans la tête du personnage permet de pardonner ses pires crimes. Tu vois ? Et alors, juste une question qui n'a rien à voir, mais j'aimerais bien voir ton point de vue. Dans les derniers comics Punisher, si je te dis pas de bêtises, ils ont décidé de changer son logo parce qu'il était régulièrement repris par des groupuscules d'extrême droite, si je te synthétise un peu le truc. Et est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose d'avoir changé le logo, ou est-ce que tu penses que c'est une erreur en fait de leur céder du terrain sur ce niveau-là? Je pense que je voudrais lire l'histoire de Jason Aaron avant. Ouais. Et que je suis pas tellement intéressé par tout ça en fait. Je sais pas si je devais prendre un exemple, j'ai écouté du rock pendant toute ma vie et j'ai pas violé de groupie et je suis pas devenu un. Oh, t'es pas un vrai rocker alors. Pas devenu un toxicomane au dernier point. Je sais pas quoi te dire. J'ai pas que des questions bien, hein. Des fois. Si tu veux, il y a ce côté. On revient à la gestion de la politique Marvel où on va écrire des histoires. Tu sais, c'est un peu comme l'émission Arrêt sur image de Daniel Schneiderman ou dans les années 90. Où tu avais une émission de télévision qui commentait la télévision. Et donc, il y avait un espèce de cercle vicieux qui disait, ben voilà, ça va se terminer chez Schneiderman et machin. Et donc, d'avoir un comics qui se commente lui-même, comme je l'ai souvent écrit sur Bruce Lee, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir si ça a été préparé dans la cuisine ou dans le salon. Tu vois, je m'en fous. Quoi. Ce qui m'intéresse, c'est l'imagination, c'est la profondeur des personnages. C'est que dans ce type de décision, c'est que pour moi, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas de profondeur des personnages. Il y a JP et Edwige, qui sont trois membres avec Doop de la Bruce Team. Je vais repasser un peu. Eh bien, mes amitiés. Y a du monde, hein, mine de rien, dis donc. Michel, faut pas sortir des phrases comme ça alors qu'on peut pas débattre dessus pendant une heure. Faut pas. Parce que la différence entre un terroriste et un résistant est dans l'œil de celui qui le regarde. On peut en pas. Ah. Avec le logo de Judge Dredd, quand même. Hein, c'est... Et je vois très bien en fait ce que veut dire Michel, mais c'était ce que dit Michel est complètement adéquat aux X-Men de Claremont et les X-Men de Lobdell. On parle jamais des X-Men de Lobdell et de Nicieza, qui étaient des personnages qui luttaient contre un système, mais qui avaient des valeurs. Mais d'abord, tu vas me parler. Parce que sinon, tu vas me parler des X-Men pendant une heure. Non, mais parce que tu peux pas me brandir au bout de 5 minutes d'émission le Daredevil de Miller et me dire que tu kiffes Daredevil sans qu'on en parle un petit peu, tu vois. Je suis pas du tout un expert de Daredevil. De toute façon, je suis un expert de rien du tout. Si ça peut soulager tout le monde. Moi non plus. Sois bien d'accord. Mais c'est un personnage, en fait, où je suis encore moins expert parce que j'ai quasiment pas lu de Daredevil. Dans ma jeunesse, ni dans mon adolescence, ni dans mes premières années en fait de vie d'adulte, c'est vraiment un personnage où je me suis intéressé à lui vraiment sur le tard. Et il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai lu Born Again, tout ça. Et donc j'aimerais bien savoir ce que toi en fait tu penses de ce Daredevil là. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? Qu'est-ce que Frank Miller pour toi évoque autour de ce personnage? Voilà, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Born Again? Pour moi, le premier truc, en fait, mais c'est toi qui me poses des questions, on est foutu. mais c'est intéressant aussi, c'est un échange. Je cuve mon whisky. comment te dire? Moi, ce que j'ai trouvé, alors déjà, on va faire abstraction du fait bonne histoire, dessin, ce genre de choses. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, c'est que c'est le comics qui, pour moi, est le plus emblématique de la décennie des années 80. J'ai pas en fait en tête un autre comics où je pourrais dire ça, voilà, pour moi ça représente vraiment la société américaine de la fin des années 80, cette espèce de d'Amérique qui se réveille avec une grosse gueule de bois et qui se rend compte en fait que la société autour est pas forcément si évidente que ça. Et ça, c'est vraiment un truc. Après, moi, c'est le tout ce qui est en fait société de plaise. Et j'ai, là, je m'adresse à JP, à Jean-Pascal et à Dou, parce que je les connais bien et que je les aime. Quand tu découvres et Michel, tiens, mais Michel, il a connu les Strange aussi. Ce qui était intéressant à l'époque, c'est que tu avais des personnages, tu avais à peu près en même temps la chute d'Iron Man et la chute de Daredevil. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était en plein réganisme et on te montrait que tu sois milliardaire ou avocat, du jour au lendemain, tu pouvais te retrouver dans la rue. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est-à-dire que si tu prends Born Again, la chute, elle est terrible. C'est-à-dire qu'en moins de 3 épisodes, Matt Murdock dort parmi les clodos. Chaque séquence s'ouvre, on le voit, la série commence, il est dans des draps de soie, ensuite il est dans des draps d'un hôtel miteux, et ensuite il se réveille dans les draps... dans les poubelles. Dans les poubelles, quoi. Et il s'est passé 60 pages. Et c'est vraiment la chute d'un personnage qu'on pensait fort, intelligent, stratégique, et qui passe d'erreur en erreur, qui tombe dans tous les pièges qu'on lui tend. Et pour les connaisseurs de Born Again, je les renvoie à cette couverture de Mazzucchelli où on voit Matt Murdock qui essaye de danser entre des lignes de mire avec en ombre lointaine le caïd en train de fumer son cigare, et on sait que quoi qu'il fasse, il va se faire canarder, il pourra pas y échapper. Et ce que j'aime dans Born Again, c'est que c'est plus l'histoire d'un super-héros, c'est une histoire totale qui raconte un personnage qui est sur le point de crever mais qui ne crève pas, qui s'accroche à la dernière étincelle de vie qui lui reste. Et parallèlement à ça, tu as une éloge de la liberté de la presse avec John Jonah Jameson qui apparaît pour la première et dernière fois comme quelqu'un de plutôt intelligent et de noble. Et Ben Urich qui sait, qui doit dévoiler des informations et qui, s'il les dévoile, va mourir. Et c'est moi, je ne sais pas quoi te dire, c'est un tel chef-d'œuvre d'écriture, de dessin. Il n'y a rien de mauvais dans Born Again. Et si tu veux, moi, il y a des œuvres qui font grandir. Moi, c'est une œuvre qui m'a fait vivre. C'est-à-dire que lorsqu'à la fin de, je crois que c'est le chapitre 3, Matt Murdock finit dans les poubelles. C'est un héros qu'on avait tellement aimé, tellement, et on se dit, mais comment il va s'en sortir? Parce qu'on ne se demande pas, moi je me demandais pas, mais comment il va réussir? C'est comment il va vivre après ça? Comment il va surmonter le fait d'avoir tout perdu? Et encore, l'histoire est si puissante que si tu le lis dans le Strange de l'époque, qui est censuré, il y a quasiment toutes les vignettes qui sont toutes les scènes de violence, d'allusion à la drogue, à la violence, au sexe, au cinéma porno de Karen Page, et ben même quand tu coupes toutes ces séquences, l'œuvre reste d'une puissance incroyable. Et Strange arrête de publier ça dans le courrier des lecteurs. Ils disent c'est devenu trop violent. Mais après, Daredevil retourne à la médiocrité dans laquelle auquel Frank Miller avait tiré l'affaire. Je ne savais pas qu'ils n'avaient pas tout publié, tu vois. Ah non, ils n'ont pas tout publié. Ils n'ont pas tout publié. Donc ça s'arrête avec la dernière séquence, Matt Murdock dans les poubelles. Et c'est terminé. Et moi, il a fallu. J'ai dû lire la suite en 96, c'est-à-dire qu'il a dû se passer 14-15 ans pour que je lise la suite et la fin de Born Again. Donc, là, tu veux, on revient à la notion de patience qui fait que pendant des années, ben voilà, moi, j'étais un gamin, je vivais au fin fond du 93 dans ma banlieue pourrie. Je ne connaissais pas les comic shops sur Paris. Je n'avais pas l'argent pour me balader à Paris. La suite, c'était dans Comics USA, mais c'est sorti beaucoup plus tard. Qu'est-ce qu'il dit, JP ? Il y a un remontage de certains épisodes. En tout cas, voilà, il m'a manqué la fin et je l'ai découvert des années après dans la version non censurée en achetant en single. Et pas déçu. Non, pour moi, Born Again, on est au-delà du comics. On est vraiment dans la littérature. Tu vois, les Beatles, par exemple, vont transcender le milieu de la pop et du rock pour devenir cette espèce de groupe messianique que les personnes connaissent, même s'ils ne connaissent pas le rock. Et je dis toujours que s'il y avait un comics à lire, c'est Born Again. C'est-à-dire, qu'on connaisse ou pas Daredevil, c'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec qui perd tout. Et sa femme le trahit, quoi. Et y a cette scène qui, moi, me bouleverse. C'est-à-dire que Karen Page le trahit, vend l'identité de son mec pour se shooter à l'héroïne. Et Matt Murdock lui pardonne. Et on les voit se retrouver deux épaves qui se serrent dans les bras l'un de l'autre. Et on sent qu'ils n'ont plus qu'eux-mêmes, quoi. Ils n'ont plus rien. C'est devenu des clodos. Et des clodos dans l'Amérique des années 80. Et voilà, il y a quelque chose de très fort, de très beau. Il y avait Jean-Marc Lenné qui avait écrit un super bouquin sur Frank Miller. Et qui souligne un aspect qui n'est pas souvent souligné chez lui, c'est le romantisme. C'est-à-dire, y a ce côté l'amour à mort, quoi. C'est-à-dire qu'on offre une nuit de plaisir à Marv. Il est capable de tuer tout Sin City pour venger la nana avec qui il a passé 10 minutes. Là, Matt Murdock continue de vivre avec la nana qui a failli le faire tuer. Et qui lui pardonne, et qui va l'aider à se désintoxiquer, et qui était un brillant avocat, et qui va finir par cuisiner des hamburgers dans Hell's Kitchen. Et l'histoire se termine, lui qui renonce à sa vengeance, alors que le lecteur attend qu'une seule chose, c'est qu'il aille casser la gueule au caïd, et ben, il préfère se balader en amoureux, comme Bob Dylan, dans les rues de New York, Et voilà, c'est une œuvre totale, quoi. Si tu me poses la question de l'île déserte, moi, c'est Daredevil Born Again. Quoi. Et c'est pas pour rien que, par exemple, David Mazzucchelli illustrera par la suite La Cité de Verre de Paul Auster. Ah, je connais pas ça. Et ensuite, Asterios Polype, qui parle d'un architecte. Un soir, un éclair tombe sur la maison de l'architecte et cet architecte arrogant se retrouve à la rue et devient clochard. 20 ans avant, on avait la même histoire, mais avec un super-héros. J'aime beaucoup la réflexion de JP qui nous dit on peut aussi avoir une autre lecture de Born Again, c'est sponsorisé par le MEDEF, avec un avocat qui perd son job et qui va rebosser dans un fast-food. Et ouais, et qui se plaint pas. D'accord, ah, je connaissais pas Asterios Polype. Les polypes, oui, mais Asterios Polype, je ne connaissais pas. Super, c'est une superbe histoire. Une superbe histoire. Si tu veux, la correspondance entre Cité de Verre, Born Again et Asterios Polype, le dénominateur commun, c'est Paul Auster, c'est-à-dire un écrivain américain dans la Cité de Verre qui met un détective qui va faire une enquête et qui va se poster devant un lieu qui pense être intéressant pour son enquête et qui refuse d'en bouger et qui va devenir un clochard, qui va perdre son identité. Et la perte d'identité, elle est aussi bien dans Born Again, Asterios Polype. Et comment, en Amérique, quand tu perds un statut social, comment tu le reconstruis? Et dans tous les cas de figure, c'est avec les petites gens. C'est plutôt à la campagne, en dehors de villes qui broient les individus. Il y a une séquence dans Born Again où il manque de se noyer dans un taxi. Et il attrape une pneumonie, c'est ça. Et tu vas avoir tout le run de Noshemti, où mais par rapport à tous ces événements après Inferno, Matt Murdock fait un road trip, quitte New York et va faire un petit peu comme le Hulk de la série télé. Il va aller dans la campagne américaine, résoudre des drames familiaux, intimes, venir en aide à des femmes battues. Voilà, c'est le super-héros j'aime qui se mélange aux gens, à nous. C'est-à-dire que tu peux te dire, ben voilà, un jour peut-être que Matt Murdock va arriver chez moi. Voilà, c'est les super-héros que j'aime. Toute la musique que j'aime. Et putain, j'ai plein de questions qui me viennent, mais j'ose pas te couper à chaque fois. Je suis pire que Nikolaevitch, tu vois. Est-ce que tu as d'autres séries dures comme machin, dépressives? Ah si, tiens, ça. Arog. Ah oui, mais oui. Mais alors je sais, on sait que tu aimes énormément la musique. Si tu devais conseiller est-ce que tu écoutes de la musique toi en lisant des comics ou c'est non. Deux activités que tu sépares? Non, j'y arrive pas. Non. Et si tu avais une musique à conseiller avant de lire Born Again, pour histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, tu conseillerais quoi? Bob Dylan. Du Bob Dylan. Ouais, du Bob Dylan. Je pourrais pas te dire quel album en particulier, peut-être Desire. Ouais, Bob Dylan, c'est un maître. J'avais envie de te poser une question avant qu'on vienne un peu plus, tu vois, dans les trucs, on va dire, très traditionnels, mais qui sont intéressants aussi, mais qui sont plus traditionnels. On va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais j'ai envie d'en discuter quand même avec toi. Est-ce que pour toi, les comics, même si je sais que dans l'esprit de beaucoup de gens, ça peut paraître très péjoratif, très gamin, et bref, je ne vais même pas rentrer là-dedans, mais est-ce que pour toi, les comics, à un moment donné, ça peut t'aider à passer des moments difficiles, personnels, dans nos vies? Ouais. Ouais, moi j'ai J'ai ma femme qui a eu une grave maladie il y a quelques années. Et en même temps, j'avais mon appartement qui vraiment s'effondrait. C'est-à-dire qu'il y avait un défaut dans la structure et il menaçait de s'écrouler à n'importe quel moment. Et donc, je me rappelle de ce soir de décembre 2016 où je suis rentré et j'ai dû annoncer à mes enfants que maman ne serait pas là pour Noël, que l'appartement était en train de se casser la gueule et que je n'étais pas sûr qu'elle puisse survivre à tout ce qui se passait. Elle s'en est sortie, tout va bien. Et là, je me suis accroché à Matt Murdock en train de pleurer une fois que le Kingpin a dynamité son immeuble. Et je me disais clairement, qu'est-ce que ferait Matt Murdock à ma place ? J'avais 45 ans, donc tu vois, c'est pas un truc d'adolescent, quoi. Mais c'est des valeurs ou des personnalités que les comics m'ont apporté. Là, je pense à Jean Pascal qui est avec moi. C'est le fameux Never Give Up de Frank Miller. C'est-à-dire, tu as un héros japonais qui est c'est le Seiyar des Chevaliers Zodiac. Mmh. Je n'abandonnerai jamais. Bon, tu peux lui détruire son armure, tu peux lui casser les jambes, tu peux lui sucrer les cinq sens. Seiyar n'est pas un personnage extrêmement attachant ou intelligent, mais c'est quelqu'un qui se révèle dans la douleur. C'est-à-dire qu'il prend toute sa noblesse une fois que tout s'écroule autour de lui et qu'il lui reste une étincelle de vie. Et pour ça, tu vois, voilà, le Matt Murdock, le Goku de Dragon Ball Z, le Seiyar. Moi, c'est des personnages que j'aime bien montrer à mes gosses quand ils ne se sentent pas capables, pas à la hauteur. Alors, je dis souvent, mais voilà, les chevaliers de bronze, ils ont quand même des armures de merde, quoi. Et pourtant, ce n'est pas l'armure qui fait le chevalier. Tu vois, donc, ouais, moi, les comics m'ont aidé dans des moments difficiles. Ça, oui, j'ai pas honte de le dire. Et je suis totalement d'accord, mais c'est vrai que même sur un point de vue général, c'est vrai que c'est vraiment la lecture et les comics, évidemment, ça peut permettre, au-delà même du fait de s'évader, mais d'avoir une certaine introspection sur des événements, ce genre de choses, évidemment, et c'est super important. Et c'est aussi pour ça, pour ces raisons-là, que pour moi, la lecture, il n'y a pas grand-chose en fait au-dessus en termes de... Non, il n'y a rien au-dessus. Il n'y a rien au-dessus. C'est le comédie des comics qui dit il faut lire. Voilà. C'est un truc con parce que c'est parfois un peu contradictoire avec mon culte du rock où j'aime les personnages un peu borderline, voire un peu dépravés. Mais j'aime bien les héros vertueux. Tu vois, moi, j'adore Tintin, tu vois, j'adore Tintin, Tintin au Tibet. Les statistiques, son meilleur ami, Capitaine Haddock, disent « Chang est mort, n'y va pas ». Et le type, il va, il risque sa vie, il manque de se tuer, il tombe dans des crevasses. Et il continue. Et il va jusqu'au bout du monde pour aller chercher un mec qu'il a connu, 30, 40 pages dans le Lotus bleu. Et ouais, Harold. Je lis ce que... Salut, Kit. C'est un mec super. Je déconne, c'est un copain. Ouais. C'est un peu de ma manière de penser, la mort de Jim. Message. Oui, t'es un salaud. C'est mon Kit, évidemment. Le Kit... Ouais, Je peux régler des comptes, mais tu vois, j'ai vidé que le quart depuis tout à l'heure. Et j'aime beaucoup ce que dit Doop, et ça me permet éventuellement, tu vois, d'enchaîner, ou plutôt de te tendre un bâton. Tu vois, une perche. Elle est comme ça. Il nous dit carrément, Sandman a changé ma manière de penser. La mort de Jean Grey, je pense que c'est la première fois que j'ai pris conscience de la mort. Moi, tu vois, il y a un comics que j'ai mis des années en fait à lire parce que je savais en fait ce qu'il y avait dedans et j'étais pas prêt personnellement à le lire parce que c'était des trucs qui moi m'effrayaient parce que ça me renvoie en fait à la réalité. C'est la mort de Captain Marvel, tu vois. Et la mort de Captain Marvel, ça fait partie des choses que je trouve totalement, j'allais dire incroyable, fascinante, mais d'un réalisme glaçant, en fait. Mais c'est ce que je te dis, c'est que la force de la mort de Captain Marvel, c'est qu'ils ne l'ont pas ressuscité. Ouais. Ils ont essayé pendant Secret Invasion, mais ils ont eu la décence de pas faire croire qu'on pouvait ressusciter du cancer. Ouais. Il y a des morts comme ça. J'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse les faire revenir. Et le plus important de tous, en fait, pour moi, c'est celui-là. Et on peut se foutre des aventures cosmiques comme moi de Captain Marvel. Tu vois, j'aime les héros urbains, c'est-à-dire moins ils ont de pouvoir et mieux je m'identifie à eux. Mais la mort de Captain Marvel montre l'impuissance. Il y a un moment où il y a Rick Jones qui demande mais qu'est-ce que vous foutiez, vous, les fantastiques, et je sais plus quel scientifique. Pourquoi vous n'avez pas trouvé de remède contre le cancer? Ben moi, j'aime ça, quoi. J'aime l'idée que Reed Richards ne trouve pas de remède contre le cancer. Tu vois, aujourd'hui, l'univers Marvel, on est à un stade où ça n'a plus de sens d'avoir un Charles Xavier handicapé ou un Docteur Doom défiguré. Voilà. Les X-Men, ils vont trouver le moyen d'aller vivre sur Mars. Et moi, j'aime ça. C'est la grande force des super-héros Marvel, c'est de vivre avec un handicap, c'est de vivre avec une béquille. Et donc, ouais, la mort de Captain Marvel, c'est vraiment très beau, quoi. Il y a c'est chargé de douleur, de peur, de noblesse, avec le Skrull qui vient saluer une dernière fois Marvel, alors que les Kree ne prennent pas la peine de venir saluer. Et donc, il y a Marvel qui dit, mais qui garde leur médaille, je les méprise. Tu vois, Starlin, c'est quelqu'un qui sait dessiner et qui sait écrire, c'est-à-dire qu'il plante des dialogues dans l'esprit de son lecteur. Ouais, c'est une œuvre supérieure, quoi. Ouais, un truc. Moi, je trouve vraiment fondateur, tu vois. Et qui bizarrement. Mais tu vois, alors, ça fait partie des comics où je te dis, ouais, j'ai vraiment mis du temps à les lire. Je l'ai lu une fois, mais je sais même pas si je le relirai un jour. Ah oui? Ouais. Parce que c'est ça au cancer, ouais ça renvoie forcément à des choses qui sont qui peuvent être très proches et pas forcément facile à vivre, à transposer. En fait, j'ai énormément aimé en fait le lire. J'en ai fait une vidéo, j'ai aimé, tu vois, réfléchir dessus, essayer de l'analyser, mais c'est pas un truc que je relirai une fois par an, c'est sûr et certain. De la même manière, j'en ai parlé la dernière fois avec Thierry Mornay, Monstre de Barry Windsor Smith, ouais. j'ai adoré. Ouais. Mais est-ce que vraiment j'ai envie de m'infliger cette expérience de lecteur à nouveau ou d'une manière régulière? Non. Pour moi, le voyage, il est totalement incroyable. Le travail, la manière dont il te démonte, dont il te montre la torture psychologique, l'emprise que peut avoir un père violent sur sa famille, sur ses enfants, c'est immonde de réalisme, mais c'est tellement bien fait que bah, moi j'ai pas l'estomac en fait pour pouvoir relire ça et relire ça. Pour moi c'est des one shot, c'est des voyages, j'y vais une fois et j'aurais du mal à y aller plusieurs fois. Le film Irréversible, pour moi c'est ça aussi, tu vois. C'est immonde, mais c'est incroyable en fait à voir, à vivre, mais je me dirais pas samedi soir, tiens, que ce soit regarde ce soir chérie, est-ce qu'on se referait pas Irréversible? C'est mort. Jamais. Plus jamais. Mais pourtant. En même temps, salut Jean-Baptiste, il y a Jean-Baptiste qui fait également partie de la Bruce Team. En même temps, ce qui est paradoxal, c'est que tu vas dire j'ai pas envie de voir ça, et qu'à côté de ça, ben, tu vas voir un énième film avec des tueurs en série, des flics, de la violence, tu vois. Moi, tu vois, j'aime bien, ce que je te disais tout à l'heure, j'aime bien être dérangé, j'aime bien être bousculé. Je préfère lire 10 fois La mort de Captain Marvel que Le carnage de Donny Cates, tu vois, de savoir qu'il y a un dieu chez les symbiotes. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller creuser la mythologie des symbiotes? Bon, tant mieux, hein, y a peut-être plein de gens qui adorent ça, apparemment c'est très bien écrit, mais honnêtement, moi ça réveille rien en moi. Quoi. C'est pas que c'est pas bien écrit, c'est que pour moi, tu vois, on est tout est stéréotypé en fait. Tout est stéréotypé. Pour moi, typiquement, tu vois, c'est à la limite l'idée, pourquoi pas. Mais de la manière dont c'est raconté, je trouve que ça tombe dans des standards qui sont tout le temps les mêmes depuis 10 ans chez Marvel et où j'ai pas de surprise. C'est-à-dire, c'est comme si tu vas au McDo pour la 25e fois. Quand tu manges ton Big Mac pour la 25e fois, t'as pas de surprise. Tu sais que c'est un Big Mac. Je l'aime bien. J'aime bien regarder Pépé. J'aime bien manger au McDo. Mais... Je déteste devoir établir une hiérarchie hein, entre les auteurs et les faiseurs. Il y a des personnes mais, qui sont là et qui... Et il y a des faiseurs que j'adore. Tu vois, Scott Lobdell est un faiseur, mais il a fait des choses extrêmement intéressantes pour les X-Men. Mais pour moi, c'est des personnes qui mettent du feu dans la cheminée pour pas qu'il s'éteigne. Donc ça a son importance. Mais bah, tu vois la différence quand tout à coup... Moi, j'ai adoré. En même temps, le dieu des symbiotes, il est nul. Merci JP, on la garde. qu'est-ce qu'il disait? Désolé, je prends pas tous les messages de tout le monde, mais je vous lis tout ça. Je vous le dis. Ouais, ouais. Qu'est-ce vaut largement son pesant de cacahuètes en indé, je trouve. Ouais, ouais. Jean-Claude. Je sais pas. J'ai moi, jamais lu de Kate en indé. J'avais commencé son baby tiff. Ça commençait comme du Ennis, un peu sur Preacher, et ça partait en cacahuètes, ça, effectivement. Ouais, je trouve pas ça très intéressant. Non, très intéressant. À l'heure actuelle, avec l'expérience que tu as de lecteur, là, ça va être des petites questions peut-être un peu plus rapides, mais est-ce que tu es plus Marvel, DC ou bien indé? Indé. Oui, ça. j'ai pas forcément de. Et non, dans tes... Marvel, pour moi, c'est, je te le dis, c'est vraiment mort. C'est-à-dire, je. Ouais, c'est fini. C'est fini. J'ai fait mon deuil. C'est-à-dire que autrefois, dans les grandes années, je pouvais aller à pied entre Épinay-sur-Seine et Paris. Pour voir l'épisode, pour lire l'épisode où Dan Sapp s'échappait de chez les X-Men, je pouvais faire du stop pour savoir ce qui se passait quand la Reine Blanche possédait l'esprit d'iceberg. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Ces personnages ne me parlent plus, ils sont morts. Quoi. Mais bon, là, je souhaite bien du plaisir aux autres. Hein. Faut passer son tour. Quoi. Je le passe sans regret. Marvel a un fond de catalogue absolument extraordinaire. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ah, c'est clair. Hein. La dernière fois, j'ai acheté un intégral de Morbius où j'ai trouvé qu'il y avait des super histoires très intéressantes. Mais ça ne me fait plus vibrer, Marvel. C'était quoi les dernières histoires que j'ai dû lire chez Marvel? Ça devait être peut-être le run de... Comment il s'appelle? Sur Captain America. Spencer, Nick Spencer. Ah ouais, ouf. Ah si, si, c'était intéressant. Là, si tu veux, moi, j'aimais bien tout ce qui... Alors, Secret Empire, c'est assez insupportable à lire, mais tout ce qui est avant, on retrouve un super-héros qui s'occupe des civils. Tu vois, et ça, ça m'intéressait. Ça, ça m'intéressait. Ah, moi, je suis pas le plus grand fan, tu vois, de Captain America. Je l'aime en équipe. Mais je l'aime avec les Vengeurs. Ouais. Et je dis les Vengeurs. Oh, le mec, il est très, très vieux, quoi. Bon, et d'ailleurs, tu vois, ça, c'est... est-ce que toi, tu... Ouais, tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu aimes bien quand même les équipes de super-héros ou c'est plus difficile pour toi? Non, comme disait Gainsbourg, je suis un individualiste pacifique. Alors, sur le blog, j'ai mon équipe, mais je suis plus à l'aise en général en tête-à-tête avec les gens qu'en groupe. Donc, pour moi, un groupe est là pour diluer la personnalité des personnes, alors qu'en tête-à-tête, on obtient quand même des choses beaucoup plus intéressantes. Donc voilà, sur la seule équipe, ouais, c'était les X-Men. C'était les X-Men parce qu'on avait des individualités qui se complétaient avec Jean-Pascal, avec JP. On avait fait un article sur les X-Men et leur chorégraphie, c'est-à-dire que chez Claremont, les combats, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage qui bat le grand méchant, mais il y a vraiment des chorégraphies, les pouvoirs qui se complètent, un peu à la fin, un peu comme dans un shonen en fait, comme dans les Chevaliers Zodiac, où c'est pas un personnage qui bat le super vilain. Mais non, donc, moi les Vengeurs ne m'ont jamais intéressé, peut-être parce qu'à l'époque, ils étaient publiés chez Artima et que je ne lisais pas ça. Mais c'est vrai que mes super-héros, je les aime solitaires. Les Teen Titans, ouais, ouais. C'est Eddie qui fait partie de l'équipe, qui est un grand fan des Teen Titans. Je crois qu'il y a toute ton équipe hein, ce soir. Hein. Une partie. Il y a toute la famille qui est là. Ouais, c'est là. C'est gentil, hein. Merci d'être passé. Hein. Tu leur as dit de venir, t'avais besoin de soutien, t'avais peur. Non, bah, t'as vu, je suis super gentil comme garçon. Non, j'ai pas peur. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine timidité entre nous parce que ce live que je fais avec toi ce soir, on l'a jamais fait entre nous. Tu vois, c'est vrai. Ouais, bien sûr. C'est un exercice qui est. Ce qui est intéressant avec l'équipe de Bruce Lee, c'est que, tu vois, avec présence d'un ado. Et maintenant, Jean-Pascal, Cyril, c'est des gens avec qui je corresponds depuis quasiment 11 ans, 12 ans, tous les jours. Tous les jours, mais comme je l'ai souvent écrit, même avec les femmes que j'ai aimées, je ne leur ai jamais autant écrit. Quoi. Donc à force... Il n'y a même pas eu un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat, rien, rien, rien, rien, rien. Sinon, on se fait des cadeaux à Noël. C'est beau, c'est beau. Mais... Spider-Man, salut. Ah, ça, c'est ma couille gauche, tu vois. Toi, t'as ton présence. Moi, j'ai mon Spider-Man et j'ai mon Dramout. Voilà. Voilà. Mais donc, voilà, on s'écrit tellement qu'on a pu. Peut-être qu'un jour, il faudra qu'on se voit en face à face. Mais voilà, j'ai rencontré une partie de l'équipe qui n'est pas parisienne. Vous êtes jamais tous rencontrés encore ? Tous ensemble, non. Non. Faut ouvrir un Tipeee. Faut ouvrir un Tipeee, faut organiser ça, faut... Un Tipeee, peut-être pour mes 50 ans, je ne sais pas, on verra. Si les impôts ne m'ont pas plumé depuis, on verra. Mais donc voilà, l'équipe s'est constituée au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, à la base, moi j'écrivais sur Amazon. Tu vois, une après-midi, je me faisais chier au bureau... je crois que j'avais un rendez-vous qui s'était annulé et il fallait que j'occupe une heure et je me suis dit tiens je pourrais écrire une chronique sur Amazon, ça m'intéresse. J'avais commencé à écrire sur Wikipédia, un article sur Pink Floyd, et le lendemain, tout avait été effacé, donc ça m'avait quand même un peu emmerdé. Et donc, c'est là où j'ai écrit sur Amazon, j'avais écrit sur les premiers albums d'Alice Cooper, et ça a super bien marché, il y avait des gens qui me lisaient. Et j'ai découvert le plaisir d'être lu en ligne. Mmh. Tout à coup, c'était comme un mec qui joue de la guitare dans sa chambre et qui fait un petit concert, et puis t'as des petits clap-clap. Et ça m'a stimulé, et puis je suis parti du rock pour arriver sur les comics, et c'est là que j'ai rencontré tout d'abord Tornado et Présence. On s'est rencontrés sur le One More Day de Spider-Man. Présence avait défendu One More Day, ça, j'avais jamais vu ça, donc je l'ai un peu taquiné, j'ai vu que c'était quelqu'un qui était extraordinairement ouvert d'esprit pour accepter. Ah bah, pour défendre One More Day, il faut être ouvert d'esprit. Désolé, hein, petit, c'était l'instant taquin. La fameuse Bruce Team, ouais, c'est ça. Et donc, on a correspondu comme ça avec Tornado et Présence pendant des années. On était rentrés dans le top des meilleurs commentateurs d'Amazon. Et puis, si tu veux, à l'époque, les personnes qui étaient un peu trop élevées dans la hiérarchie d'Amazon, il y avait ce qu'on appelle des campagnes de vote non utiles, où si tu te rapprochais de la première place, je crois que j'ai dû arriver 20e, meilleur commentateur Amazon en France, tu avais des gens qui votaient contre toi pour te faire chuter dans le classement. Et à l'époque, moi, j'étais un peu con. Ça me rendait malade que des gens veuillent me faire du mal. Il y avait aussi des gens qui organisaient leur propre mort comme Tom Sawyer sur Internet, c'est-à-dire que il y avait des gens qui fermaient leur profil, qui disaient ouais machin est morte, alors que c'était un moyen pour obtenir d'autres votes positifs. Et là je me suis dit, dans quoi je suis rentré, qu'est-ce que c'est que cette merde. Et ma femme faisait un stage pour devenir web designer, et son travail c'était de fabriquer un blog, et elle me dit tu veux que je te fabrique un blog. J'ai dit « Ok, donc je vais écrire une charte Bruce Lee avec ma ligne directrice qui était de la culture geek et la culture tout court. » Et voilà, donc j'ai recyclé pas mal de mes articles Amazon. Et puis j'ai proposé à Présence et à Tornado d'écrire, je les ai invités. Et puis ensuite j'ai eu Jean-Pascal... Jean-Pascal, c'est particulier parce que Jean-Pascal m'avait invité à écrire pour Scarce à l'époque. C'est lui qui m'avait fait découvrir le Punisher Max de Garth Ennis. J'adore toujours son style, il me fait mourir de rire à chaque fois. Et j'ai dit à Jean-Pascal, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai proposé ou si c'est lui. Au fur et à mesure, j'ai rameuté les gens que j'aimais bien d'Amazon. Et puis après, sur Facebook, on a créé un compte. Je me suis aperçu que Bruce Lee fonctionnait beaucoup plus que ce que je m'attendais. Hein. Je m'attendais à avoir 10, 20, 30 personnes par mois. Et aujourd'hui, on est à beaucoup, beaucoup plus. On est quasiment le mois dernier, on était quasiment à 9 500 lecteurs. C'est bon. Ouais, c'est pas mal. C'est gigantesque, surtout pour un blog où c'est difficile. Je trouve que c'est vraiment difficile de d'attirer du monde et de fidéliser une audience, tu vois. Enfin, 9000, dans la vache, mais j'invite vraiment les gens qui connaîtraient pas le blog à y aller. Ouais. Chose que moi je suis toujours très franc, très direct, chose que je ne fais pas suffisamment. Clairement, parce que pour préparer cette émission, j'ai quand même pas mal parcouru le blog, les articles, et je dois avouer que c'était impossible de tout lire, parce que de toute façon, c'était beaucoup trop important, mais je défie n'importe quel passionné de comics de ne pas trouver des choses qui vont leur parler, qui vont les titiller sur le blog. Voilà, il y a vraiment tout un tas de trucs, et c'est très éclectique, c'est très... très large, et ça vraiment c'est impossible de ne pas trouver un article qui vous intéresse là-dessus, et de manière régulière. Et comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai pris un malin plaisir à lire les. Merde, j'ai oublié le nom, le défi Nikolavitch, c'est ça ? Le défi Nikolavitch, ouais. Ah, est-ce que tu peux nous en parler de ça un tout petit peu, mais même d'autres trucs dont tu as envie de nous parler sur le blog. Mais le défi Nikolavitch, je trouve ça génial. Ça m'a fait triste. Au fil du temps, moi j'ai voulu constituer une équipe qui ne soit pas des spécialistes. Tu vois, il y a des gens que j'adore qui seront toujours meilleurs que moi. Tu vois, il y a des historiens du comics, tu vois, t'as des Xavier Fournier, t'as des Patrick Marcel, t'as des Xavier Lancel de Skers, t'as des Jean-Paul Genquin qui sont capables de dire qu'en telle année, dans tel numéro, telle ou telle personne est apparue. Et pour moi, être spécialiste, c'est quelque chose qui m'effraie. Par contre, je suis passionné. Et c'est pour ça que sur Bruce Lee, on fait un article par jour depuis 10 ans. Tu vois. Et le fait d'avoir une équipe de 12 personnes permet d'avoir un espèce de roulement qui fait que pendant qu'il y en a un qui se repose, ben les autres publient et commentent. Donc cette année, on ralentit un petit peu parce que moi, j'ai des activités qui font que je suis moins disponible qu'à une époque, mais l'équipe est là et le succès de Bruce Lee leur appartient. Moi, il n'y a pas que moi, quoi. Chacun a sa spécialité. Jean-Pascal fait de l'humour, il fait du figure replay. Et je suis sûr que un jour, pour moi, le figure replay, c'est quelque chose qui mériterait d'avoir des milliers de vues, parce que c'est Jean-Pascal fabrique ses propres actions de figure et il les fait jouer des sketchs. Là, le dernier, c'était Nietzsche chez les super-héros, c'est-à-dire qu'il prend des aphorismes de Nietzsche, il a fait les Uncanny X-Men, et donc il illustre les plus grands aphorismes avec les super-héros qui disent des conneries, mais c'est à mourir de rire, tu vois. C'est un peu nos guignols de l'info. Il y a Edwige qui n'écrit pas beaucoup, mais qui dessine. Elle n'a rien à voir avec la culture super-héroïque, mais c'est une dessinatrice qui va te magnifier tous les articles rock qu'on peut élaborer. Chaque membre de la Bruce Team apporte sa brique dans le mur, comme tous les fans de Pink Floyd. Je peux dire qu'il n'y a quasiment pas de conflit d'ego. L'équipe me permet Bruce Tringale et Bruce Lee, c'est deux personnes différentes. Tu vois, je me suis créé un espèce d'avatar un peu mégalomane et arrogant, qui n'est pas forcément ce que je suis dans la vraie vie. Ça me permet aussi d'avoir une équipe, des gens sur qui je peux compter, et des gens, enfin voilà, c'est de la confiance, quoi, tu vois. Et pour te parler du défi Nikolavitch, c'est Alex Nikolavitch qui est donc traducteur, romancier, conférencier, et qui a été mon voisin pendant des années. Et youtubeur. Car suis abonné. Ah oui, c'est quoi sur la Warzone ? Ah, je me rappelle plus. Mais de mémoire, il sort pas énormément de vidéos. Mais je me rappelle m'être abonné en avoir regardé quelques-unes. Je serai un menteur. Pendant des années, j'ai croisé Nikolavitch dans les rues de Conflan. On se croisait. Et moi, voilà, quand j'ai découvert The Boys. Il y avait des traductions qui me faisaient mourir de rire, et c'était lui, quoi, tu vois. Boudin d'amour, il y a une couille dans le potage, enfin des trucs, des expressions à mourir de rire, et en fait c'était lui. Et un jour, la médiathèque nous a invités à une conférence, et j'ai découvert que ce mec que je croisais tous les jours était mon voisin, et c'était Alex Nikolavitch. Et donc un jour, comme ça, je le vois revenir d'une conférence, et il me dit, ouais, il y a une nana, elle m'a posé une question, je n'ai pas su répondre. Et je lui ai dit, chiche, on fait la même chose sur Bruce Lee, je te pose une question à la con. et tu vas devoir y répondre. Et on a appelé ça le défi de Nikolavitch, et ça fait 4 ans que ça dure. Et je lui pose des questions à la con une fois par mois. Est-ce que le multivers est une fatalité dans le monde des super-héros? Est-ce que comment ça se fait qu'à l'époque des iPhones, il faille encore utiliser un bat signal? Et lui te dévoile l'histoire des super-héros. On s'envoie des scuds. Il y a Matty Boy, qui est notre illustrateur, qui nous ridiculise à chaque fois, qui est une caricature comme deux gros blaireaux. Et ouais, ça, c'est un peu l'esprit de la Bruce Team. On essaie de pas trop se prendre en sérieux. Et ça fait quand même plus de 10 ans, ouais, que ça dure. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, vous allez faire d'autres trucs? Est-ce que vous avez jamais pensé à vous tourner vers les podcasts, vers ce genre de choses? Ou est-ce que c'est vraiment l'exercice de l'écriture qui est votre spécialité? Et vous ne voulez pas que ça change? Je sais pas, il faudrait me dire si je passe bien à l'écran. Mais N'hésitez pas. Normalement, je peux mettre des sondages sur YouTube. Mais je te confirme, tu passes très très bien. Très très bien. Non, moi, ce que j'aime, c'est écrire. Ouais. Ce que j'aime, c'est écrire. Ce que j'aime, c'est me mettre dans mon bureau avec mon rock'n'roll à fond. Et puis. Et me perdre dans l'écriture, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ça se passe pour les autres membres du groupe, mais l'écriture me met dans un état second. C'est-à-dire il y a un moment où je ne suis plus moi, quoi. Je suis un espèce d'esprit frappeur qui envoie des vacheries, des formules. C'est plus moi. C'est plus moi. C'est comme un acteur qui monte sur scène, en fait. Bruce Lee et Bruce Stringall, c'est deux personnes différentes. Vraiment. Vraiment. Et j'ai besoin de les faire cohabiter ensemble après une journée de travail, tu vois. Ça permet de se libérer, de se défouler, Ouais, se libérer, se défouler, mais pas seulement. C'est faire sortir la bête, quoi, ouais. Tu vois. Et on est tous le fruit d'une construction sociale. Ouais, c'est un exutoire. J'aime pas le mot thérapie, parce que pour avoir fait une thérapie, ça n'a rien à voir avec ça, mais ça serait un peu prétentieux de ma part, mais je le vois comme ça, tu vois. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans, tu vois. Pour moi, écrire un article, c'est comme écrire une chanson. Mais vraiment, vraiment. Pour moi, un article, c'est un morceau. Je suis incapable d'écrire un article si je n'ai pas le titre. C'est-à-dire que, un peu comme Gainsbourg disait, une fois que j'ai mon titre, j'ai ma chanson. Et ben là, c'est la même chose. C'est mon article. Et en fait. Des fois, j'ai envie de dire que Bruce Lee, c'est un groupe de rock où chacun monte sur scène, prend le micro et chacun son tour. Tu vois. C'est comme ça que je vois les choses. Et ce qui m'intéresse dans cette équipe, c'est de pas forcément d'avoir des spécialistes, mais des plumes. Présence va être quelqu'un qui va proposer des plumes objectives. C'est-à-dire que pour savoir ce que pense et ressent Présence, faut le connaître un petit peu, mais c'est quelqu'un qui va être extérieur à ses propres sentiments, qui va s'extasier sur la couleur, qui va la mise en page, la mise en scène. Tornado, moi, Eddie, Patrick, Kaori, on va relier notre expérience de vie à notre expérience de lecteur. Et ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu peux emporter quelqu'un de ton expérience intime et la relier à une expérience universelle. Ça, j'aime ça, tu vois. Si tu connais un peu Pink Floyd, dans The Wall, Roger Waters raconte sa vie d'enfant maltraité à l'école, de Marie cocufiée, de rockstars frustrés, mais il arrive à le faire en permettant que toi, qui ne seras jamais une rockstar, permette de s'identifier à cette rage et cette souffrance. Et moi, j'aime ça, j'aime quand l'individualité devient collective. Moi, ce que je trouve fascinant en fait dans le truc de l'écriture, c'est de réussir en fait à poser des mots sur, notamment sur les dessins, sur des choses en fait qui se regardent, et donner envie d'aller voir les dessins et de savoir décrire un style, une émotion par les mots, les phrases, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le côté entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, le côté artistique en fait de la chose, où c'est je trouve que c'est tout un art en fait de savoir poser des mots sur le travail des autres, notamment pour en dire du bien ou pour dire des choses qu'on n'a pas aimées, peu importe, du moment où c'est fait avec entre guillemets bienveillance et sincérité, moi ça me dérange absolument pas. Mais il y a pas et je pense qu'on est tous, tu vois, on a des gens qu'on suit, des gens qui écrivent qui nous parlent plus que d'autres, ça c'est propre à chacun. Et il y en a, voilà, il n'y a pas énormément en fait, de plumes, de gens qui écrivent des articles sur les comics qui me font revenir à chaque fois vers eux, tu vois, pour les lire. Mais c'est vrai que quand on trouve quelqu'un qui nous correspond dans son style, dans son approche, et qu'on commence à bien le connaître, on arrive même quasiment à connaître les gens qui écrivent des articles, pas d'une manière intime, mais à connaître leur goût, à connaître un petit peu là ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, ce qui les fait tiquer, ce qui les fait réagir. Et je trouve ça à chaque fois super intéressant. C'est un peu ça, c'est-à-dire que tu vois, j'aime imaginer que la personne qui va revenir sur Bruce Lee tous les jours, une semaine, va se dire ah ben tiens, c'est le tornado de la semaine, ou c'est le Patrick Six de la semaine. C'est-à-dire voilà, on a tous nos chevaux de bataille, nos passions, nos marottes, nos têtes de turc. Et je me dis que Bruce Lee, c'est plus grand que moi. C'est-à-dire que c'est un ensemble de contributeurs avec des styles complètement opposés. Tu vois. Et ça ne me dérangerait pas d'avoir des lecteurs qui me détestent. Qui détestent que j'écris, qui me détestent que je suis ou ce que je parais être, parce que personne ne me connaît en vrai. Mais qui peuvent revenir pour d'autres contributeurs, pour des rubriques. Moi, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est les plumes. Et au final, tu vois, je trouve que c'est le, entre guillemets, parce que ça peut être très varié aussi, mais c'est le même principe en fait sur YouTube. Et les gens qui parlent de comics, et voilà, t'as des gens ou dans les podcasts. Moi, il y a des podcasts que j'aime suivre. Il y a des gens dans les podcasts que j'aime suivre. Un ami en commun, un ami, je le connais pas intimement, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Darkseid, Sam, j'adore écouter ses avis. J'aime beaucoup sa manière en fait de présenter les bouquins et tout. Et plus tu écoutes en fait les différents Comic City, et plus tu t'attaches aux gens qui présentent ça, et tu as l'impression en fait de les connaître de plus en plus en fait personnellement. C'est le même processus qu'avec un super-héros, c'est un processus d'identification. Et par contre, quand tu parles de bienveillance et de machin, tu vois ce que propose Bruce Lee. Une rubrique qui nous a valu beaucoup d'animosité, mais aussi beaucoup de suiveurs, on va dire, c'est le bullshit detector. C'est-à-dire que on est capable dans l'équipe de proposer une séquence où on descend en flamme un auteur ou une œuvre. Et moi, j'encourage beaucoup ça, pas par méchanceté, mais parce que l'exercice est intéressant. Tu vois, J'ai dans mon équipe, j'ai Tornado qui déteste de plus en plus les super-héros et qui m'avait demandé est-ce que je me lance dans un bullshit détecteur sur la saga du Phénix Noir. Moi qui suis fan des X-Men, je lui dis vas-y, fonce, fais-le. Mais on va te péter la gueule. Voilà, sois-en certain. On va te choper à la récré. comme je l'ai écrit quelque part, Il y a des gens que je ne peux plus croiser en convention avec ça. Le bullshit detector sur la saga du Phénix Noir. Moi, j'avais descendu les Ultimates de Mark Miller avec le titre, ça s'appelait la grande escroquerie du comics books. Et toi, tu as réussi à me faire changer ma vision idyllique des Ultimates que j'avais avec cet article. Donc, je suis mi-content. Je t'ai corrompu. Mi-pas content, parce que je l'ai placé très très haut, vraiment. Je l'ai placé vraiment très très haut, les Ultimates. Et après t'avoir lu, et où à bon nombre en fait de paragraphes, j'ai fait eh, « c'est pas faux, c'est vrai ». Je les place nettement moins, vraiment moins haut maintenant, les Ultimates, pour ne pas dire plus haut du tout. Vraiment. Ouais, c'est le côté rock, c'est-à-dire que tu avais Jim Morrison qui chantait dans Rhodes Blues la vie est incertaine et la fin est toujours proche. Moi, j'aime l'incertitude. J'aime l'incertitude, c'est-à-dire quelque chose qu'on tenait pour acquis, finalement, est-ce que ça ne parle pas de ça, parle pas d'autre chose, tu vois. Tu prends un film comme Elephant Man. Ouais, j'ai Millard dans le mille, ça fait longtemps que j'en parle plus. Un film comme Elephant Man, on va dire, ouais, c'est un film humaniste qui est là pour t'apprendre la différence. Et certes, mais n'oublie pas un truc, mec, c'est quand même David Lynch, tu vois. Et David Lynch, c'est pas un humaniste du tout, quoi. Donc, c'est Elephant Man, ça peut aussi parler d'un type qui est passif et qui, comment dire, c'est un film sur la bourgeoisie, sur la méchanceté de l'être humain et sur un type qui n'arrive pas à se battre pour se faire respecter. Tu vois, donc c'est tu peux décaler ton angle de vue comme ce que disait Michel tout à l'heure sur les terroristes. J'aime l'incertitude. Moi, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas si je doute. Je ne sais pas si je doute. Enfin, je suis sûr de ce que je fais, mais je doute sur ce que je suis. En même temps, ça permet d'avancer. Hein. Ouais, bien sûr. Parce que. Je prétends jamais. C'est des choses sur lesquelles c'est important de savoir se remettre en question, douter, notamment sur ses opinions, sur. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai embauché des gens dans l'équipe. C'est-à-dire que. J'aime bien avoir tort, en fait. J'aime bien avoir quelqu'un qui me dise « Attends, Bruce, c'est pas comme ça du tout qu'il fallait lire les X-Men de Hickman ou le Batman de Grant Morrison. Ça parle de ça et de ça et de ça. Parce que je pars du principe que l'autre a toujours quelque chose à m'apporter. Tu vois, T'aimes bien Grant Morrison ? Non. T'es définitivement un mec bien, toi. Je sais pas, c'est presque un critère dans la Bruce Team. Je sais que Jean-Baptiste peut pas le saquer non plus. Darkseid Sam se définit comme un Morrisonien ultimate, mais je peux dire que j'aime pas Morrison parce que je l'ai beaucoup lu. Donc, pareil, beaucoup trop. J'ai lu tous ces invisibles. J'ai lu son Klaus, j'ai lu ses X-Men, j'ai lu Arkham Asylum. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? Enfin, j'ai lu plein de trucs et bon, pour moi, c'est de l'esbrouf. Voilà, exactement. Il y a dans le dernier en fait que j'ai lu de lui. Et alors, il y a des trucs que j'ai bien aimé dedans, mais c'est surtout en fait son édito qui m'avait calmé. C'était dans Animal Man. Ou à un moment donné dans la préface, si je te dis pas de bêtises, c'est Grant Morrison en fait qui revient sur son arrivée du côté de chez DC, où il venait donc d'être débauché par DC parce que il s'était rendu compte que les auteurs anglais avaient certainement du talent et qu'il cherchait le prochain auteur de Watchmen, voilà. Et donc il a eu l'occasion en fait d'écrire Animal Man. Il expliquait ce qu'il avait fait en fait sur les 4 premiers épisodes et qu'ensuite que j'ai vraiment aimé, rien à dire. C'est pas qu'il a décidé de se saborder lui-même, mais il a décidé en fait de partir dans un délire qui lui est très personnel et qui part en fait dans tous les sens et qu'il a été surpris de voir les gens aussi bien réagir à ça. et en fait qu'il s'y attendait pas, et que donc du coup il avait trouvé entre guillemets sa marque de fabrique, et qu'il allait et en fait on se rend compte qu'à chaque fois il est revenu, et qu'il a toujours fait plus what the fuck que la fois d'avant, et what the fuck et what the fuck et what the fuck. Alors il a des qualités, bien évidemment, des connaissances, des du talent, des voilà, mais je trouve qu'il se fout de nous en fait complètement tant que lecteur, et que plus il rajoute du what the fuck. Peter Stanchek parle de la Doom Patrol. J'ai Cyril qui adore la Doom Patrol dans l'équipe, donc sur Bruce Lee. L'intérêt pour moi, Peter Stanchek, d'avoir des contributeurs, c'est d'avoir des gens qui vont dire du bien de Grant Morrison sur mon blog, alors que moi je ne supporte pas. Parce que, encore une fois, je pense que voilà, Bruce Lee, ça va au-delà de ma personne. Et ce qui m'intéresse, c'est le média. Pour Grant Morrison, je pense que ce qui pose le problème, enfin le problème se pose sur le contrat qu'il y a entre un auteur et son lecteur. C'est-à-dire, est-ce que tu acceptes d'être mystifié, dépassé par un auteur? Moi, le contrat, c'est pas possible. Avoir quelqu'un qui ouais, Jojo Barbarian, c'est pas mal aussi. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup aimé, Jean-Claude, j'avais beaucoup aimé We Free. Tu vois, je trouvais que lorsque Grant Morrison parle des animaux, il est plus sensible que quand il parle des êtres humains. Mais parce que c'est une histoire qui, finalement, est d'une simplicité qui ne nécessite pas t'entasses des concepts et des concepts et des concepts et des concepts. Mais bon, voilà, moi, je n'aime pas ses élites, je n'aime pas son style, sa culture ne m'impressionne pas du tout. Il a écrit des très bonnes histoires pour les X-Men. Il a écrit des trucs très bien, tu vois. Riot à Xavier, il met en scène une espèce d'épisode d'Orange Mécanique chez les X-Men, je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, c'est quelqu'un qui arrive et qui ne connaît pas les personnages, qui ne connaît pas leur mythologie. Bon, voilà, moi j'ai mes têtes de Turc, hein, les lecteurs de Bruce Lee le savent. J'ai Mark Millar, j'ai Grant Morrison, j'ai Warren Ellis. C'est beaucoup de gens qui ne m'impressionnent pas beaucoup. Et c'est qui les scénaristes qui t'impressionnent beaucoup? Attends, je lis ce qui est écrit Doop. Ouais, je suis d'accord avec Doop. Il faut le dire, parce que sinon, alors c'est toujours le problème, en fait, quand on fait un live et qu'après, ça doit être traduit en podcast. Si on se contente, en fait, de lire les commentaires juste comme ça, quand ils écoutent un podcast, ils se disent, mais de quoi ils parlent? Ils n'ont plus l'image. C'est pour ça qu'il faut nous écouter en live. Alors, oui, Free, c'est son meilleur bouquin. C'est X-Men n'était pas si dégueu. Oui et non. Il y avait des très bonnes idées. Il y a des gigantesques fautes de script. Comment Magneto peut infiltrer l'hôtel Xavier sans que personne s'en rende compte, ça c'est un truc extraordinairement mauvais. Qu'est-ce qui m'impressionne? Longtemps Alan Moore, longtemps, plus maintenant, longtemps, oui, bah, Watchmen, V pour Vendetta, Jack B. Quick, je trouve ça extraordinairement drôle. C'est drôle, Jack B. Quick. Top 10. Et puis, qu'est-ce qu'il avait fait qui m'avait beaucoup impressionné? Les Filles Perdues, qui était un roman pornographique avec Alice au Pays des Merveilles. Merde, j'ai trop bu là. Bref, il faut que j'aille le chercher. Donc c'est voilà, il y a pas mal de trucs sur Alan Moore et je trouve que ce qu'il fait de, tu vois les derniers épisodes de la Ligue des Gentlemen, j'aime pas les Écossais. c'est peut-être mon mépris pour moi-même puisque Bruce est un prénom écossais. Ouais, je trouve que c'est les derniers épisodes qu'il a fait pour la Ligue des Gentlemen, c'est illisible, c'est vraiment illisible. Il n'y a rien à sauver là-dedans. J'aime beaucoup Garfenis, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Preacher, c'est ma Bible, quoi. Ah bah, surtout si t'aimes le rock, je sais pas si on peut faire mieux. Hein. Ouais. C'est, Ouais, non, non, on peut pas faire mieux. Et tu vois, il y a Preacher, Sandman. Je suis pas le plus grand fan de Neil Gaiman. Il y a des moments où je peux le trouver ennuyeux et bavard. Mais tu sais, en fait, il n'y a pas tellement de différence entre Preacher et Sandman pour moi. C'est presque la même histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire de personnes qui sont confrontées à des dieux qui ne prennent plus leurs responsabilités, avec Destruction qui déserte son poste, et Jesse Custer qui va chercher Dieu qui a abandonné le paradis en disant mais tu n'as pas le droit d'abandonner tes fonctions. Et Dream dans Sandman se demande, je vais faire un gros spoil de Sandman, voilà. Sandman se termine avec un dieu. Ah oui, c'est un gros spoil, oui, effectivement, là, c'est ça, se termine, quoi. D'accord. Non, mais voilà, c'est un personnage qui délaisse ses fonctions de dieu parce qu'il n'en peut plus, il en a marre. Et Preacher, c'est la même chose. Donc, il y a quelque chose de très. On dit toujours que Preacher est rock, mais il y a quelque chose de très moral, c'est-à-dire. Que tu trouves ça dans ça ou dans The Boys de Garth Ennis, c'est mec, quand tu t'engages dans quelque chose, il faut y aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas dire j'arrête. Tu vois, et Jesse Custer est un personnage pour moi qui est admirable dans la mesure où il va s'opposer à Dieu, quand même. Oui, ça va, on a trouvé plus simple comme adversaire. Et il va. Il va y laisser des plumes quand même, tu vois. Jesse Custer, il perd un œil, il perd sa copine, il perd ses illusions, il souffre dans sa chair avant le duel final contre Dieu. Et voilà, donc c'est des Sandman, comme l'écrivait tout à l'heure Edou. C'est quand même une série qui change ton rapport. Au rêve, à la vie, à la mort. On espère tous, après avoir lu Sandman, que la mort ressemble à cette jolie jeune femme gothique qui te tend la main, qui te fait un beau sourire, et c'est la dernière chose que tu vois avant de mourir, quoi. Ouais, donc ça, c'est des scénaristes que j'admire. Dans les plus récents, j'aime beaucoup Rick Remender. Ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Uncanny X-Force. J'ai beaucoup aimé ses Uncanny Avengers. Là, actuellement, j'ai fini le tome 2 de Scumbag qui va sortir ces temps-ci. Tu connais Scumbag ? De nom, mais je ne l'ai jamais lu encore. Ouais, donc c'est un sac à merde. Hein, et en fait, c'est un clochard qui devient un super-héros, un peu comme la pute qui devenait super-héroïne dans The Pro. De Garth Ennis. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as des super pouvoirs qui arrivent dans les bras du personnage qui le mérite le moins. Et dans Scumbag, là, le personnage est tiraillé entre des wokistes qui veulent éradiquer le mal du monde avec une pensée unique, c'est-à-dire qui seraient débarrassés de toute pensée violente. Et de l'autre côté, tu as l'extrême droite américaine qui veut tout zigouiller, et au milieu t'as Scumbag qui ne pense qu'à prendre des drogues, baiser et s'amuser. Et Remender organise un vrai jeu de massacre, mais beaucoup plus fin qu'il y paraît, en te montrant un peu comme dans la série Cobra Kai dans Netflix, des générations qui sont qui sont plus capables de se parler entre elles. Sont pris en otage par leur idéologie, sans pour autant les juger, mais en les caricaturant dans ce qu'ils ont plus de plus ridicule. On a Doupe qui nous dit un de ces quatre, je te ferai un bullshit détecteur sur Remender. Voilà. Ouais. Bah écoute, ouais, avec plaisir, Doupe, pas de problème. Je crois qu'il y avait. C'était qui ? C'était Doupe ? Non, c'est Fletcher. Fletcher, qui doit me faire un bullshit détecteur sur les X-Men de Chuck Austen. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. D'accord. J'ai encore... Alors, une ou deux questions, puisqu'on a, on était sur les scénaristes. J'ai envie de dire... Alors, c'est toujours difficile de demander ton dessinateur favori, mais si tu devais en garder qu'un seul, ce serait lequel et comment tu pourrais expliquer son style en quelques mots? Alors, c'est deux dessinateurs complètement différents. Ça serait... David Mazzucchelli sur Born Again, ça c'est sûr. Et Steve Dillon dans Preacher. Et comment tu pourrais parler de leur style? Ben, Steve Dillon, c'est un dessinateur qui n'est pas forcément techniquement intéressant, mais qui permet de rendre hilarantes des scènes extrêmement violentes et qui permet de... il y a quand même beaucoup de dialogues dans Preacher et il arrive à rendre des dialogues avec beaucoup d'énergie. Dillon, moi, c'est un dessinateur qui me fait mourir de rire. Preacher, je le trouve extraordinaire. Je l'adore. C'est quelqu'un que j'aurais vraiment voulu rencontrer. Et puis David Mazzucchelli pour Born Again, Frank Miller, bien sûr. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour Frank Miller. Beaucoup d'amour. Oui. Après, on a parlé beaucoup de ce que tu fais sur le blog Bruce Lee, mais tu n'écris pas des articles que sur ça. Et je crois qu'il y a, ça fait déjà quelques temps maintenant que tu as rajouté des cordes à ton arc. Ouais, depuis un an, là maintenant, je suis à la fois le responsable comics et bande dessinée de Geek Magazine. Donc je salue Olivier Ultramar, Christian Hung, Nicolas Forçant, Christian Bourgeois pour m'avoir accueilli dans Geek Magazine. Donc à la base, Nicolas Vitch m'avait présenté l'équipe. Et puis voilà, le contact est passé. Maintenant, j'ai quasiment 6 pages. Ouais, j'ai 6 pages dans le livre. Et c'est un exercice intéressant parce que Olivier est un rédac-chef extrêmement pointilleux et exigeant. Et quand toi, tu as même été... quand tu es rédacteur en chef et qu'on te demande de réviser des papiers, le truc est intéressant, quoi. C'est... moi, j'aime beaucoup écrire pour Geek et puis Best Magazine, donc les deux sont des trimestriels. Depuis quelques années, on fait sur Bruce Lee ce qu'on appelle des vendredis rock, c'est-à-dire on parle de rock, on parle d'album rock. Et puis moi, dans ce cadre, j'ai réussi à interviewer des gens comme Philippe Manœuvre, Jean-Pierre Dionnet, Patrick Edelin, qui est pour moi, une des figures cultes du punk français. Et c'est un modèle d'écriture, Delin, pour moi. Il sait très bien que j'adhère pas à toutes ses idées, qu'elles soient sociologiques ou politiques, mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil qui m'a, quand il a refondé Best, une des revues cultes des années 80 sur le rock, il y avait un créneau à prendre sur les revues comics, manga et BD, et il m'a laissé faire ça. Donc, pareil, tu vois, là, ce mois-ci, j'ai quasiment 6-7 articles dans Best. Bon, la presse écrite. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, moi, ça me permet de réaliser certains rêves. Tu vois, je rêvais d'être journaliste quand j'étais gamin. Je n'ai pas eu la maturité nécessaire pour devenir journaliste quand j'étais... la fac. Mmh. Et j'ai fait autre chose de ma vie et j'arrive maintenant, grâce à l'écriture, à devenir à la fois ce que j'aurais dû être et ce que je suis. Donc il y a une espèce de... D'accomplissement. Oui, il y a une espèce d'accomplissement d'écrire pour la presse nationale, d'interviewer Jean-Jacques Bernel des Stranglers, d'avoir son numéro de téléphone dans mon portable. C'est quelque chose. Et c'est le 06 maintenant. D'inimaginable. Là, je t'ai confié un scoop tout à l'heure. Je vais le garder encore quelques temps, mais... Ça a de la gueule, hein. Moi, je faisais tout ce que je peux vous dire, mais ça a l'air bien. Voilà, il y a quelque chose d'international qui se profile d'ici mercredi. Donc voilà, c'est la même chose, que ce soit de rencontrer des contributeurs, des auteurs ou des grandes figures de la culture. Moi, ce qui m'intéresse, ou même dans mon travail, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer l'autre. En fait. C'est les gens. C'est de voir tout ce qui n'est pas moi. C'est beau comme phrase. Ouais. C'est beau. J'essaie toujours de comprendre comment les autres pensent autrement. Tu vois, j'ai jamais de pensée définitive. Moi, j'essaie de me nourrir de ce que les autres peuvent apporter. Et ce qui est, alors moi, j'aime beaucoup cette idée. Et notamment, c'est pour ça que j'aime beaucoup le débat, mais pas dans le sens, j'allais dire très politicien du terme, où c'est pour moi un débat, c'est pas quelque chose où on s'écharpe, c'est quelque chose en fait où on arrive avec des idées, on arrive avec des principes, on les met sur la table, on en discute, et tu peux, t'as le droit de changer d'avis, t'as le droit de faire évoluer tes opinions, t'as le droit de grandir, t'as le droit de te dire bah ouais là peut-être que j'avais tort, t'as le droit aussi de te dire bah non là je suis vraiment intimement persuadé que j'ai raison. Et voilà, j'aime, tu vois, bah ouais, le débat, le dialogue, la nuance. Et alors, c'est l'instant où c'est moi qui fais un peu vieux con, mais je trouve que c'est vraiment des choses qui se perdent beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop y aller, parce que sinon, tu deviens vite soit un pro, soit un anti, où on aime te classer dans une case ou dans l'autre. Et c'est vraiment à chaque fois des choses que je fuis. Parce que je pense que l'être humain est beaucoup plus complexe que ça et qu'on ne peut pas nous résumer à des pros, des anti, même si la société a très très envie en ce moment de résumer un peu toutes les questions à ça. Le fan de Jean-Jacques Goldman en moi te dira que moi j'aime bien les zones entre gris clair et gris foncé. Ouais, je crois que c'était Mitterrand qui avait dit que la France était une nuance de gris, c'était que des nuances de gris, voilà. J'aimais bien l'idée. Goldman n'aimait pas du tout Mitterrand. Salut tous les deux. Comment? Je disais bien pourtant, on les salue tous les deux. Bon, il y en a un, ça va être plus dur, mais bon. Mais non, moi j'aime bien les nuances de gris. Et là encore, c'est les X-Men, tu vois, qui m'ont... Voilà, quand on t'apprend à aimer un personnage comme Magneto. Je crois que Doop parlait, à la pensée unique. Doop parlait tout à l'heure de Malicia, des personnages dont on pensait tout savoir et finalement qui ont des blessures, qui ont de la noblesse. C'est compliqué pour moi de juger les gens. Tu vois, je suis capable de trouver des qualités dans la pire des ordures. Moi, je sais pas si c'est une formation philosophique, mais j'aime chercher ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Peut-être parce que je suis pas sûr de savoir ce qu'il y a de meilleur chez moi. Donc, à défaut de chercher ce qu'il y a de meilleur chez moi, je vais chercher les autres. Et ben, c'était super intéressant. Merci. Ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Ouais, j'ai dépassé 1 heure de mornay. Mais tu vois, moi j'adore Thierry et c'est vrai que quand on se voit, on a la même opinion sur les super-héros, sur les valeurs, sur les trucs que les super-héros peuvent véhiculer, tu vois. Et Thierry, enfin déjà, voilà, il avait une, voilà, grosso modo, un peu plus d'une heure, tu vois, à m'accorder. Et c'était déjà, je le dis, mais une expérience personnelle plus qu'enrichissante. Et c'était génial, en fait, de pouvoir discuter avec lui. Et voilà, enfin, c'est l'heure, je ne l'ai pas vu passer. quand tu, je pense que tu peux, on peut réécouter l'émission jusqu'à demain et le nombre de trucs qu'il dit qui sont super intéressants, de conseils de lecture, d'approche, en fait, des choses. Voilà. C'est que des trucs, en fait, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, j'aime beaucoup, beaucoup faire cette émission avec des gens qui ont des profils, pas atypiques, mais, tous différents en fait, et il y en a pas un qui est mieux que l'autre et tout, et ça, j'aime beaucoup l'idée en fait qu'on puisse autour d'une même passion, d'une même culture, avoir des approches complètement différentes. Tu vois ce que, il y a des choses sur lesquelles je te rejoins complètement sur ce que t'aimes sur les super-héros, sur les valeurs et ce genre de choses, et paradoxalement quand je regarde les héros qui toi t'ont façonné, notamment dans tes premières années de lecture, et ben moi c'est carrément pas eux. Et pourtant, on a quand même des points communs. Et enfin, tu vois, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que bah, j'espère que les gens qui suivent ces émissions, j'espère que c'est ça aussi qui kiffe. Voilà, évidemment. Et que ça permette aussi de mettre en lumière des gens qui, comme toi, permettent, mine de rien, au travers de leur blog, au travers de l'équipe qu'ils animent au quotidien depuis 10 ans, permettent de faire connaître un petit peu plus la culture comics et la culture au sens large du terme. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir discuter avec toi. Vraiment, pour de vrai, c'est super cool. Cool, merci. Et tu vois, dans les choses, parce qu'on se connaît pas beaucoup, beaucoup, mais je me rappelle une fois, sans dire trop les choses, tu vois, que j'avais fait une critique à un moment donné sur un bouquin qui avait un petit peu embêté tu vois, l'éditeur du bouquin, et j'avais beaucoup, beaucoup aimé la discussion qu'on avait eue tous les deux à ce sujet-là, sans rentrer dans les détails et tout, mais j'avais énormément aimé en discuter avec toi. Et il y avait, au cours de cette conversation, beaucoup de bienveillance de ta part et une approche que j'ai vraiment appréciée. Et directe, franche. Et ça fait partie des raisons. C'est ma formation de travailleur social. Tu vois, dans ma carrière, alors en ce moment, c'est la grande mode, mais tu vois, dans ma carrière, en tant qu'assistant social, quand des gens arrivent dans ton bureau, si tu les catalogues, c'est compliqué. Tu vois, moi, dans mon bureau, j'ai eu des hommes violents, j'ai eu des pédophiles, j'ai eu des criminels. Et si je me dis, ben, j'ai pas le droit, j'ai pas envie de leur parler, ben, je fais pas mon boulot. Tu vois. Tout à fait. Et donc, comme Wolverine. Avec Wendigo, j'essaie de parler avec ce que la personne a de meilleur en elle. Et ça ne veut pas dire que je suis dupe, hein. C'est-à-dire que lorsque j'ai travaillé avec cette personne pédophile, ce qu'il avait pu commettre me dégoûtait intrinsèquement. Mais j'aurais été un très mauvais professionnel si je n'avais pas été jusqu'au bout de ma mission. Voilà. Et je pense que si tu arrives dans ton travail à dialoguer avec un pédophile, tu peux dialoguer avec un fan de comics. Non, oui, ça devrait bien. C'est quand même plus facile. Mais si il aime Grant Morrison, ça va, on va s'en sortir. Mais voilà, donc si je devais lâcher un scoop par rapport à ce que disait Doop, non, ce n'est pas une interview de Chris Martin, je donne juste qu'un indice. Stranger Things. Ah oui, c'est déjà un bel indice. Hein. Voilà. Voilà. Je vais vous démerder avec ça. Et on va conclure cette soirée sur ça. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Excellente. C'est très cool. Bien. C'est le principal. Merci hein, vraiment d'avoir accepté cette petite invitation et de t'être prêté au jeu. Merci à toutes les personnes qui sont dans le chat et qui ont animé cette soirée avec moi. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous, vous voir, vous faire des vidéos, vous faire des lives et que sais-je encore. C'est toujours un privilège, vraiment. Et c'est un vrai kiff. C'était un vrai plaisir de passer cette soirée avec vous. Encore merci, Bruce. Et je suis nul. J'ai oublié de mettre le lien de Bruce Lee en description. Ce sera rectifié dès demain matin. Et je vous invite vraiment, évidemment, avant la messe. aussi dit. Et je mettrai tous les réseaux également en description. J'ai moins oublié. Putain, pas bon. Hein. Et voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Et donc, dans les semaines, mois à venir, vous pourrez retrouver cette émission en podcast pour qu'on puisse vous accompagner dans vos heures de bouchon interminable sur Paris ou ailleurs. Merci tout le monde. Passez une excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci, Bruce. Ciao. Salut. À bientôt. Bisous.